Détails de l'offre sur Zalando.fr. Fresh des Zalando. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio présente l'Electro Sound Festival. L'Electro Sound Festival. Le 1er juillet, pour la première fois sur la scène du théâtre de plein air à Colmar. Retrouvez les plus grands artistes électro du moment. Sound of Legend. Eva Simons. Timmy Trumpet. Bilal. Et Riyab. Fun Radio. Partenaire de l'Electro Sound Festival de Colmar. Infos et réservations, point de vente habituel. Electrosoundfestival.com et funradio.fr. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. J'ai pas ma place dans tes nuits solitaires, tes sourires amers. Capter ton atmosphère, je retombe en arrière. Comme une ombre, une éclipse, tu t'éloignes de moi. Et mon âme se consume, je me noie. Je deviens fou. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. And I wonder. And I feel like I can go on. And I feel like and I wonder, and I wonder. J'ai pas trouvé mon chemin dans ton brouillard, et j'en crève encore. Je t'ai cherché si longtemps au hasard. Je perds le nord. Comme une histoire qui glisse, tu t'éloignes de nous. Je me condamne et j'assume, mais j'avoue. Je deviens fou. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. And I wonder. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. T'éloignes de moi, et mon âme se consume, je me noie. Comme une histoire qui glisse, tu t'éloignes de nous, Tu me condamnes et j'assume, mais j'avoue, je deviens fou. And I feel like I can go on, and I feel like it's going strong, and I wonder. Je deviens fou. De l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Depuis 20h, on est en direct. Et ça se passe comme ça tous les soirs du dimanche au jeudi. L'émission, c'est Love in Fun. Ici, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Hein. Prenez la parole au standard 01 42 48 5000. On va parler des piqûres, des morsures d'insectes, d'animaux, avec beaucoup, beaucoup de réactions. C'est Guillaume qui est arrivé une couille, hein, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait piquer la bite. Ouais. Par quoi exactement ? Par un scolopendre. Un scolopendre. C'est une sorte de gros mille-pattes de 10 à 15 cm et avec deux crochets. Et c'est-à-dire que pendant la nuit, à un moment donné, tu sens une gêne. Ouais, exact. Il y avait des crochets et tout. J'ai senti une grosse douleur à la bite. Ouais. Donc j'ai mis la main parce que je pensais que je m'étais un peu coincé dans un pli. Hein, les mecs, on connaît ça. Bref. Ouais. Je mets la main et en fait, je me rends compte qu'il y a un truc énorme qui me monte dessus. Ouais. Et donc j'ai voulu le lancer contre le mur. Il s'est accroché. Donc il m'a repiqué la main. Oh, et ensuite, j'ai réussi à le lancer. Et on l'a retrouvé que le lendemain. Et t'as fait une mauvaise réaction. Ouais, je me suis évanoui 3-4 fois le lendemain et oh j'ai fini aux urgences et tout. Et en fait, c'était pour l'anecdote, il y avait plein d'infirmières, des nouvelles, hein. Et elles ont toutes voulu voir comment ça se passait. Donc il y a au moins 10 à 15 meufs qui m'ont regardé la bite la journée. Ah, en plus, ça mord, ça pique pas ce genre de bête, ça mord carrément, c'est horrible. Oui, c'est comme les temps, ça mord. Oui. Oh putain, c'est horrible ça aussi. Sans déconner. Alors dites-nous si vous êtes déjà fait mordre, piqué par un insecte. Aurélie est avec nous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut l'équipe. Bonsoir Aurélie. Salut. À l'approche de l'été, les frelons sont de sortie. Alors Aurélie, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Alors moi en fait, il y avait une abeille qui était dans ma chambre, mais je savais pas où est-ce qu'elle était. Ouais. Et je m'assois. Et ben là, elle était sous moi. En fait, je me suis assis dessus. Bah, je peux te dire que je me suis levé direct. Et ben ça douille. Hein. Pas mal pendant au moins un bon bout de temps. Hein. Ah, ça fait super mal. Ça fait trop mal. Une abeille ou une guêpe, parce que c'est pas la même piqûre. Je sais pas, tout ce que je peux dire, c'est que ça faisait trop mal. Alors, l'abeille, quand elle pique, elle va s'éviscérer. Ça veut dire que le dard rentre dans la peau, et comme il y a des crans, quand elle s'enlève, elle s'arrache. L'abeille pique et meurt. Et surtout, la poche de venin continue à fonctionner. C'est pour ça qu'il faut enlever rapidement le dard, qui est tout petit. Ouais, c'est ça. Ouais, à mon avis, ça devait être une guêpe. Hein. Une guêpe ou un frelon asiatique. Le frelon asiatique, c'est terrible. Mais les frelons... Vas-y, Aurélie. Je peux pas dire, mais qu'est-ce que ça m'a fait mal sur le cou, donc... Ouais, non, mais c'est ça. J'étais toute rouge. Tu te dis, la guêpe, ça fait mal, l'abeille, ça fait encore plus mal, et le frelon, putain, j'ai jamais... Le frelon asiatique, parce que le frelon normal est moins toxique que la guêpe. Alors, le frelon asiatique, qu'est-ce qui se passe, Doc? Il y a eu des morts, d'abord, faut quand même pas l'oublier, avec des gens en état de choc. Hein. Ouais. On les peut les retrouver un peu partout. Et le frelon asiatique est arrivé en France grâce à un marchand chinois, enfin français, qui est importé de Chine, des bois, enfin bref, des meubles. Ouais, bien sûr. Il a ramené quelques espèces qui ont proliféré tout doucement, et maintenant, ça s'étend dans toute la France. Arnaud est avec nous, il a été piqué par un frelon asiatique. C'est terrible. Bonsoir Arnaud. Salut Karel, salut à toute l'équipe. Salut Arnaud. Salut. On parle de toi, tu vois, avec ce frelon asiatique, t'as 27 ans, t'es dans les Deux-Sèvres à Niort, hein, c'est ça? C'est ça, et moi j'ai eu de la chance. Vas-y, raconte-nous cette piqûre, parce que Doc nous dit que ça peut être très dangereux. Hein. Ah bah oui, on a eu deux morts l'année dernière dans les Deux-Sèvres à cause de ça. Carrément. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Moi, ce qui m'est arrivé à moi, c'est il y a 5 ans, je suis agent de sécurité. Sur nos pantalons, on a une bande réfléchissante. Et en plein après-midi, je sais pas, ça a dû l'énerver, il était posé sur mon mollet, enfin je l'ai remarqué, ce qui fait entre 3 et 7 cm. Oui, ils sont très grands, oui. Donc c'est costaud comme bestiole. Quand je l'ai remarqué, j'ai fait « Oh merde ». Donc j'ai cherché un truc doux, genre un brumisateur ou quelque chose pour le faire bouger. Ouais. Et en fait, le soleil s'est réfléchi sur ma bande réfléchissante qui est sur mon mollet. Je sais pas si ça l'a stressé, excité ou quoi que ce soit. Il m'a planté son dard juste à côté du tibia. Oh putain. J'ai toujours la cicatrice. J'ai une cicatrice d'un demi centimètre à côté de l'os en fait. Non, c'est ouf. Ouais, délire. Ça retire un morceau de chair quand ça pique. Et la douleur? Ah, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Pour les gens qui font de l'airsoft, ça correspond à un 2 joules gaz à moins de 3 mètres. Dans ces cas-là, pas. Ah ouais, quand même. Ça pique. C'est vraiment intrusif. Une réaction allergique extrêmement grave, donc il faut pouvoir faire de l'adrénaline en piqûre. Il y a des gens allergiques aux piqûres de guêpes ont une trousse de sécurité dans laquelle il y a des doses d'adrénaline à faire en sous-cutané, même à travers le pantalon, des corticoïdes injectables, des corticoïdes par voie orale et des antihistaminiques. C'est à prendre dès le début de la piqûre. C'est très important parce que je rappelle que chaque année, il y a des gens qui meurent qui sont allergiques à anaphylactique massive et brutale et mortelle en quelques minutes. À mourir à cause d'une piqûre de guêpe ou de frelon encore, on sait que c'est plus dangereux, quoi, mais franchement... Pas le frelon jaune, le frelon classique, moins. Frelon asiatique. Et du coup, Arnaud, suite à cette piqûre, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu juste un petit peu mal et puis ça... Bah, en fait, j'ai boité pendant 3 semaines. Ah oui, quand même. Bien sûr. Parce qu'il a tapé apparemment dans un tendon, donc qui a pas été déchiré, mais pas loin. Ouais. Donc je douillais à chaque fois que je posais le pied, un peu comme une grosse tendinite. D'accord. Et là, j'ai toujours une cicatrice à côté de l'os. Mais à part ça, moi, rien. Ah. Mais l'année dernière, l'été dernier, il y a eu deux morts sur blessure de gars de la ville. Qui, en passant le rotofile, en fait, ont tapé le nid qui est à ras du sol. Oh là là. Et ils ont retrouvé un en choc anaphylactique à l'arrière du camion et l'autre en arrêt cardiaque sur le volant. Ouais. Mais quelle horreur. Pour un adulte, si je dis pas de bêtises, Doc, il suffit de 20 piqûres. Sur un adulte taille normale, masse corporelle normale, si je dis pas de bêtises, c'est 20 piqûres. Oui, c'est mortel, bien sûr. Sans compter que les réactions ultérieures sont très importantes. Non, c'est une urgence extrême. Ah oui, c'est gros, vraiment. Un frelon, c'est un poil plus gros général, qu'une abeille. Ce que tu dis, c'est la réalité. Il faut aller déranger le frelon dans son nid ou passer à côté pour qu'il attaque. Ouais, c'est ça. Tu le chambres. L'asiatique, il est offensif. Ouais. Mais tu l'asiatique est offensif. Il suffit de passer pas trop loin, en fait. Agressif. Non, à condition de passer à côté, oui. Voilà. Mais des fois, on les voit pas forcément. Les nids sont à ras du sol, en fait. Donc, quand ils sont sous un buisson, on se promène dans la forêt ou quoi, et c'est un peu la surprise. Eh ben, soyez prudents, en tout cas. On va continuer d'en parler. Il y a énormément de réactions. Tout le monde appelle au standard 01 42 48 5000. On en saura un petit peu plus sur les piqûres ou les morsures d'Aurélie, de Johan, de Jean, d'Estelle qui vont venir nous rejoindre dans un instant. Et juste avant, c'est un son qu'on adore ici à Fun Radio. On n'arrête pas de le chanter. Voici Chainsmokers et Luan It Won't Kill Ya sur Fun Radio. I know as the night goes on, you might end up with someone. So why do I bite my tongue? Oh, I wanna know ya. I'm looking around the room. Is one of those strangers you? And do you notice me too? Oh, I wanna know ya. I want ya. You're a face I won't forget. I want ya. Don't know how much time is left. I want ya. Haven't had a moment yet. Ooh, ooh, ooh. Oh, dance with me. It won't kill ya. And one for the road. Dance with me. It won't kill ya. And one before you go. Dance with me. It won't kill ya. And one for the road. So I want you staying longer. Dance with me, me, me, me, me, me, me, me. Dance with me. Mon amour. The night goes on. You might end up with someone. So why do I bite my tongue? Ooh, I wanna know ya. Luan, The Chainsmokers sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love and Fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On parle de piqûres, de morsures avec les insectes, les animaux. Et on a Jean, 21 ans de Suresnes, qui est avec nous. Salut Jean. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut Jean. Raconte-nous, toi, ce qui t'est arrivé, c'est un truc de malade. Juste une question avant de commencer. Oui. Guillaume du standard. Ouais. Quand tu t'es fait mordre, c'était où? Bah la bite. Non, la zone où t'étais en vacances. C'était Carquéran, Méditerranée, 83, voire représente. C'est précis. Tu veux en dire où, Jean? Parce que toi, c'était où? Parce que de base, j'ai grandi aux Antilles, en Guadeloupe. Jean, c'est un bordel pas possible derrière toi, on fait de la radio. Ouais, excuse-moi, je suis au travail en fait. D'accord, ok. En fait, j'ai grandi en Guadeloupe et chez nous, on a beaucoup de scolopendres. Ok, des scolopendres. De base, les scolopendres, nous, chez nous, en fait, ils sont mortels. D'accord. C'est-à-dire que normalement, de base, ils vous mordent, vous êtes mort. D'accord. Et il vous reste moins de 10 minutes à mourir. Ça fait plaisir, vive la Guadeloupe. Voilà. Moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'avais 9 ans, quand je suis parti en première colonie de vacances, en fait, 3 semaines après être arrivé à la première colo, j'ai fait une crise d'asthme. Okay. Je me suis retrouvé en infirmerie. Ouais. Et en fait, le lendemain matin de la première nuit en infirmerie, je me suis réveillé avec une douille de petits boutons au niveau du nez. Petits boutons au niveau du nez. Sur le côté gauche du nez. Ouais, vas-y. Et en fait, arrivé là, bah, genre 2 heures après, bah, les boutons, en fait, ils sont décuplés, on va dire 3000. Attends, on t'entend très très mal. Il y avait plus de boutons, c'est ça? En fait, non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont grossi, en fait. Ils ont grossi fois 1000 en 2 heures. Genre, tu m'écoutes, la chute de l'histoire, vite, parce que là, on n'entend rien, je t'assure. En fait, il s'est passé que je me suis retrouvé à passer toute la nuit aux urgences. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé avec 12 F d'araignées de montagne, d'emmener avec deux petits par œuf. Ah ouais, donc une douzaine d'araignées dans le nez avec environ 2 araignées par œuf. Truc de ouf. C'est fait pondre dans le nez. Putain de ouf. C'est horrible. Sans déconner. Non mais attends. Mais c'est horrible. Le mec avait des araignées dans le pif. Oh merde. Ça existe ça, Doc? Oui, bien sûr. Oh là là, putain, sans déconner. Et Estelle, pour finir, Estelle, vite fait. Estelle, t'as 23 ans, t'es à Narbonne. Je suis désolée, ma chérie, on a très très peu de temps. Non, c'est pas grave. Coucou tout le monde. Ben, moi, c'est arrivé à mon homme. Il y a à peu près 2 ans, il était parti au Cameroun. Il est parti se baigner dans une rivière et il a sorti son engin pour faire pipi. Et il y a un poisson qui lui est rentré à l'intérieur de l'engin. Mais non, dans l'urètre. Ouais, donc ouais, il a dû se faire opérer. Donc se faire opérer au Cameroun, bah, c'est quand même pas très très rassurant. Attends, le poisson a volé dans son zizi? En fait, il s'est inséré. C'est un candiru, je crois. Si loin que je me souvienne, c'est un poisson qui rentre. C'est un candiru, forcément. Bah, je me suis vite fait renseigner, en fait. Oui, c'est ça, dire c'est le candiru. Voilà, c'est ça. Et donc, le candiru était dans son urètre, putain. Voilà, et il est remonté jusqu'à la vessie. Il a monté jusqu'à la vessie, il nageait dans sa vessie, donc il a dû se enterrer, mais bon, tout va bien, pas de séquelles, tout fonctionne parfaitement. Dans les aquariums. Ah putain, c'est un truc de dingue ça. Ah mais c'est dégueulasse. Eh ben voilà, on sait où c'est passer ça. Nos vacances cette année. La bonne petite histoire pour finir. Merci Estelle, merci beaucoup, merci à Jean aussi. Salut. Son histoire de dingue, salut à toi Jean qui est au boulot là. Et merci à Rémi, notre auditeur du soir qui va terminer l'émission, c'est notre auditeur du soir et l'antenne est rien qu'à toi. C'est parti Rémi, on t'écoute. Ben voilà, je voulais vous remercier pour l'émission que j'ai passée. C'est une super émission. Vous m'avez régalé et tout. J'ai bien rigolé. Et je passe une dédicace à tous les gens qui m'ont reconnu, les Marseillais et tout. Allez l'OM et allez Loving Fun. Merci Rémi, à bientôt. Salut. À bientôt. On va s'aimer, on va danser, on va chanter. Voilà ce qui vous attend. Chez Marion et Enzo, le Night Show. Bonsoir les filles. Salut, mais quelle ambiance. Oui, c'est de l'amour, c'est de la danse. Allez. Il y aura même du crash test ce soir. Oh, ouais. Ah, ça va cuisiner. Oui, exactement. On n'en dit pas plus. Franchement, ce que vous allez faire, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, hein, ça donne envie. Hein. Ah ouais, carrément. Moi, je le ferai bien, mais j'ai un rencard. D'accord. Ah, je peux pas rester. Je vous fais un gros bisou les filles, amusez-vous bien, bonne émission le Night Show jusqu'à minuit. Nous on se retrouve dès demain sur Fun Radio à 20h. Bisous. À demain. On est si différents, c'est ce qui vous attire. Mais Marion et Enzo, c'est pas l'heure de dormir. Écoute-nous si t'es prêt à rire. T'as rien vu de pire que les sourcils de Amir. Maman. Oui, bonsoir tout le monde, il est 22h02 et vous écoutez Marion et Anso, le Night Show. Mais qu'est-ce que c'est bon de vous retrouver, particulièrement le lundi, parce qu'on sait que le lundi c'est toujours une journée comme ça où on est un petit peu ronchon. Oui. Alors du coup, nous le soir, on est content de faire les fionfions avec vous et de vous faire marrer chez vous, quoi. C'est tout, ni plus ni moins. Est-ce que vous voulez connaître une petite anecdote sur le 12 juin? Ouais. Oui, bah, ça vous ferait plaisir. Carrément. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous fêtons les Guy. Ah. D'accord, bonne fête aux Guy alors. Voilà, bonne fête à tous les Guy qui nous écoutent. Mais nous fêtons aussi les Onufres, et qui est pour le coup un prénom qui n'est pas facile à porter. C'est une anecdote? Oui, c'est une anecdote. Ah, c'est ça. Ni plus ni moins que j'ai trouvé sur Wikipédia. T'as gâché ma journée. En tout cas, avis à toute la population, si parmi vous quelqu'un s'appelle Onufre, appelez-nous. Je lui offre un cadeau. C'est clair. Ah bah s'il y a un onufre avec une preuve, hein, pièce d'identité et tout, c'est sûr, on lui offre un cadeau. On lui offre un cadeau, c'est clair, direct. Et une PS4. Bah parce que cette pauvre personne s'appelle Onufre. Bonsoir Marion. Bonsoir à tous. Bah oui, pour nous ça a été une belle journée. Alors on sait que vous t'as fait beaucoup là. Jeudi c'est les premières phases d'examen, bac de philo notamment, ouais. Et sur les réseaux. Mais en plus il y a tout là, tout est parti. Les CAP, les BEP, la totale, les brevets. Donc bon courage. C'est pas facile. Il y en a beaucoup qui nous écoutent pendant qu'ils révisent. C'est bien comme ça. Si vous arrivez à retenir des choses malgré nos conneries, c'est que vous êtes très fort. Ouais. Donc continuez et nous on bosse pour vous aujourd'hui encore. Nous avons avancé sur la spéciale paranormale et l'équipe, je pense qu'il est temps d'annoncer la date. Ah oui, on peut le dire. Ouais, bah de toute façon, c'est là incessamment sous peu. Hein. Ce sera lundi prochain, le 19 juin. Soyez bien là. Franchement, vous serez nombreux à être en vacances ou sinon, ça vous fera un petit break dans les révisions. Spécial paranormal, on va flipper ensemble avec un invité exceptionnel. Ouais. Je pense que c'est du jamais vu en radio. On va apprendre des trucs absolument incroyables et je vous le dis, cette soirée va être hyper flippante. Ah, bah c'est ça, hein. On va vraiment, vraiment flipper, surtout avec cet invité qui va nous raconter des trucs mais hallucinants. Soyez là, ce sera lundi prochain et restez avec nous ce soir jusqu'à minuit. Ce soir, c'est plus léger. On va se faire des trucs hyper sympas. On va notamment avoir le crash test du soir avec Alexandre Calvez qu'on va vous représenter dans un instant. Et il va nous décrire ce qu'il va faire. Karel vous le disait, effectivement, c'est culinaire. Voilà. Mais c'est culinaire pas facile à avaler. On va vous dire tout ça dans un instant. Et puis, nous allons parler d'un truc terrible. Quelque chose qu'on a appris, une anecdote d'un membre de cette équipe. Ouais. Il s'agit d'une vanne sexuelle, d'un truc à ne jamais faire à la maison, je vous le dis. J'ai presque honte de décrire, alors je vais pas le faire maintenant déjà parce qu'il est trop tôt, mais c'est terrible, ce qui s'est passé c'est terrible, c'est grave. Quelqu'un a été victime d'une vanne sexuelle, restez bien là, ce sera aux alentours de 23h30. Gros gros programme ce soir. Tu n'as absolument pas à avoir honte, nous sommes dans le partage. Ouais, j'ai honte quand même. AMT, c'est ce qu'on va écouter ce soir. Mais qu'est-ce que je l'aime ce morceau. Ah ouais. D'ailleurs je le vois hein, parce qu'on passe l'extrait comme ça et vous voyez pas mais tout le studio s'enjaille. Je vois mon Alexandre Calvez from Mexico qui est déjà là, il est comme ça en train de danser les castagnettes. Et puis on va écouter ça va pas mieux toi. DJ Khaled avec Justin Bieber. Ça c'est lourd. On va saluer les garçons de cette équipe. On a Amir sur les réseaux sociaux, on a Thibaut Alaréa, Enzo et Yaya. Ils bossent tous à donf pour vous, pour la spéciale paranormale qui arrive. Et je vais pas vous mentir, il y en a qui sont plus flippés que d'autres. Hein, ah ouais. Hein Yaya. Ah non, mais je le sens mal le truc. Ouais, non, mais parce que nous on croit vachement au délire de Ouija, de paranormal, d'esprit qui nous regarde et tout. Donc forcément, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Amir? J'espère que l'esprit de l'amour va venir pour une fois pour Yaya. Oh le pauvre. C'est non, pas le pauvre, c'est très beau ce qu'il dit, c'est très bah mignon. Oui. Bah ouais, enfin ouais. Ça le ramène à son statut de victime du standard quand même. Victime amoureuse hein, excusez-moi. Non mais on va pas se mentir Yaya, tu traverses quand même une zone difficile en ce moment. Non, il y a des perturbations mais Mec, c'est pas qu'il y a des perturbations, c'est pas possible. Ouais. On est au point mort. Alors juste pour ceux qui débarquent hein, peut-être qui découvrent l'émission ce soir, Yaya était éperdument amoureux d'une fille qui s'en bat les seufs complètement. Ah ouais, est un michto, est un vagabond. Elle le michto, elle essaie de lui faire croire. En fait, elle le prend comme elle a envie de le prendre quoi, elle l'utilise un petit peu. C'est ça mon Yaya. Ouais, mais ça fait mal d'entendre ça. Oh bébé, mais on essaie de t'ouvrir les yeux. Et Yaya, à tout moment de notre vie, on a été l'objet de quelqu'un. Hein. Et n'oublie pas que la roue tourne. Oui. Bonsoir Alexandre Calvez. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et toi? Il est là. Bah ça va, je fais jouer les castagnettes, tout va oui. Bien. Oui, je sais pas pourquoi tu prends à chaque fois l'accent espagnol pour présenter Alexandre. Parce que Alexandre Calvez, alors il faut savoir que Calvez, c'est breton. Oui. Mais je trouve que ça sonne Calvez. Ah bon, ouais. Ça amène un petit peu d'exotisme. On va quand même te représenter pour ceux qui peut-être découvrent l'émission ce soir encore une fois. Toi, tu viens régulièrement chez nous, tu es le spécialiste des crash tests sur YouTube. Ouais. Ta chaîne, c'est Alexandre Calvez. Il fait plein de choses, hein. Il teste plein de trucs pour vous. Il est bon d'ailleurs, il est manuel, il fait de l'expérience et tout. Allez mater sa chaîne. Et donc ce soir, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, je vais tester une machine à barbe à papa et je vais essayer d'en faire saveur tête brûlée. Ah là là là là là, mais alors c'est du jamais vu, moi j'ai jamais vu Barba Papa tête brûlée. Hein. Non impossible. Mais c'est une bonne idée en revanche. Impossible. Mais comment c'est impossible? Il a tout prévu, il a le kit pour tête brûlée, tu vas nous faire un truc qui arrache à mort. Hein. Ouais c'est censé, on va essayer, ouais. J'ai jamais fait de ma vie non plus. Et puisqu'on est en pleine période de révision, Alex, toi qui fais plein de choses comme ça, un petit peu même, tu vas dans le moléculaire, t'étais bon en bio? Tout à fait. Et en physique? Tout à fait. Mais t'arrêtes de te la raconter, ouais. Non, mais demande-moi combien j'ai eu. Alors, combien tu as eu? J'ai eu 17 au bac. Quoi ? Waouh ! Eh ouais, dans les deux matières. Waouh ! Et 19,5 en maths. Putain. J'étais en L. Ah ouais, non mais le gars est en taulier quoi. Magnifique, bah bravo. En tout cas, il a bien choisi son orientation, c'est un bien bel exemple. Merci. C'est vrai, c'est bien. On va parler justement révision avec Emilien dans un instant, puisqu'Emilien, il est comme de nombreux êtres humains en ce moment, il est stressé par les examens. Ouais. Les épreuves du bac, on vous le rappelle, se dérouleront à partir de jeudi prochain. C'est assez long quand même, hein. Je regardais les dates, ce sera jusqu'à début juillet pour les rattrapages, tout ça. Hein. Ah bah, ah oui. Évidemment. C'est quand même une grosse période de révision. Et alors Emilien se pose une question, il a l'impression de ne plus se souvenir de rien. On va partager avec vous, là, tous, nos méthodes pour améliorer notre mémoire. Ouais, appelez-nous au 01 42 48 5000 et Marion nous a trouvé des méthodes de mémoire, mais vraiment absolument absurdes. Ah non, pas absurdes, justement, qui marchent, mais insolites. Insolites. On se retrouve juste après Martin Jensen. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool. C'est Marion et Anso. Dans quelques minutes, on va se faire le crash test du soir. On va aussi vous donner les meilleures astuces là, pour booster votre mémoire pendant les révisions. Mais avant tout ça, j'avais une info qui m'a fait marrer. C'est Katy Perry. Alors Katy Perry, vous le savez, en ce moment, elle est en live sur YouTube. Mm-hmm. C'est assez incroyable. Ça fait 3 jours que ça dure et c'est en permanence. Donc bravo à elle. C'est une belle performance. J'aime beaucoup le concept. Bah, c'est pour surtout faire la promo de son nouvel album. C'est quand même un truc énorme. Hein. Bah, grave. Non, franchement, c'est canon. Belle idée. Et donc, elle a accueilli chez elle l'animateur James Corden, qui est très connu là-bas. Et lui, il lui a posé une question. Il a fait, en quelque sorte, un action ou vérité. Et en gros, la star a dû classer 3 de ses anciens compagnons du pire au meilleur au lit. Alors, tu sais, quand nous, les Américains viennent en France, ils sont hyper tabous. On a une liste comme ça de sujets à pas aborder, le fric, l'amour et tout. Mais alors là-bas, ils se lâchent. Hein. Ouais, mais alors attends, parce que en fait, c'était soit elle répondait aux questions, soit elle était obligée de manger des trucs absolument horribles. Hein. Des pieds de poulet, des trucs affreux. Elle avait déjà des haulkers. Et du coup, elle a classé ses 3 derniers ex. J'entends bien, mais quand même, elle est ouverte, elle l'a fait. Alors en numéro 3, on a le DJ Diplo. Donc c'est le moins bon des 3, voilà, très déçu par Diplo. Ah mais surtout que moi Diplo, je te jure, j'en fais un dieu du sexe tellement je le kiffe. Et ben le numéro 2, moi aussi c'est Orlando Bloom le numéro 2. Ah Alors, Orlando Bloom, on est dans le moyen haut, quoi. Ouais, pas mal. Et le numéro 1, c'est le moins connu de tous, hein, c'est John Mayer. Alors, John Mayer, c'est un guitariste. Donc, oui, effectivement, les guitaristes sont en général doués avec leurs doigts et tout. Peut-être que c'est dû à ça. Mais en tout cas, c'est lui, pour elle, la bête de sexe. Elle l'a dit dans ce petit interview. Je trouvais ça plutôt rigolo. Pas mal, hein, John Mayer. Hein. Oui, John Mayer. Oui, il est beau gosse. Franchement, il est beau gosse. Alors, je sais pas avec qui elle est en ce moment, Cathy. Eh bien, moi non plus. Bon, en tout cas, sur son live Facebook, elle est bien seule. Hein. Elle est belle, en tout cas. Je pense qu'elle est célibataire, sinon elle aurait mis son mec actuel dans le classement. Non, elle est pas célibataire. Non, puis elle vient de quitter Orlando Bloom, il y a pas très longtemps. Si, elle est célibataire. Ouais, mais bon. Laissons-la respirer, tu vois. C'est un peu comme Yaya, du standard, elle prend son temps. Oui, oui, non, mais sauf que Cathy, c'est pas une victime de l'amour. Hein. Non, mais je suis pas une victime de l'amour. Non, t'es un fragile de l'amour. Je suis victime de la méchanceté, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est vrai, effectivement, mais t'as quand même jamais connu de vraies relations amoureuses qui marchent. Hein, c'est bien, mon Yaya, ça commence à sortir comme ça, c'est bien. Voilà. Oh, c'est une thérapie avec nous, Yaya. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Émilien est avec nous, il est à Lille, je vous en parlais il y a un instant. Émilien, il est en pleine révision, bah, comme la plupart d'entre nous en ce moment, enfin d'entre vous, hein, puisque nous, on ne passons pas le bac. Non. D'ailleurs, c'est très con, parce que moi, je ne l'ai pas eu, et j'aurais dû travailler pour passer en candidat libre. Tu sais quoi ? L'année prochaine. C'est un truc qui m'aurait bien plu. Ouais, l'année prochaine, en vrai, ça me ferait kiffer. Même pas cap. Mais je te jure, je suis cap. Attends, okay, ça te servirait à quoi aujourd'hui ? Enfin, c'est bien. Bah oui, le kiff de dire j'ai mon bac, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que j'ai un brevet d'écoage en poche et si un jour ça tourne mal, qu'est-ce que je vais trouver avec un brevet d'écoage? Ouais, bah passe vite ton bac. Émilien, il a un problème parce qu'il a l'impression qu'il oublie tout en ce moment. Émilien, bonsoir. Salut toute la team, comment ça va? Bon, ça va. Ça va et toi? Bah écoutez, ouais, on va dire que ça va quoi. On garde le sourire, il faut. Bon, tu vas tout nous expliquer dans un instant. Toi, tu bosses pour le bac, c'est ça? C'est ça. Ok, première épreuve jeudi du coup. C'est ça, première épreuve jeudi. Bon, on va t'aider mon pote, je sais que t'as des soucis avec la mémoire. On est tous là, il y a toute l'équipe, il y a Alexandre Calvez. On a plein de solutions, on a des trucs faciles à faire aussi, ouais. Ça va vraiment concerner tout le monde. Donc restez là, et si vous aussi vous avez des techniques, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Ça fonctionne également avec le hashtag Le Night Show. Amir vous lit absolument partout sur l'intégralité de nos réseaux sociaux. Ma. Allez, on vient en aide Émilien et sa mémoire dans un instant sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Fun. Jadid. The Chainsmokers et Luan. Edia. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Merci de m'avoir tenu à l'écart pendant la moitié du dîner mythique. Et merci de m'avoir fait rougir devant Marie. Elle a trouvé ça trop mignon. Merci, timidité. Rencontrez-vous au dîner mythique en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique, love your imperfections. Fresh Days à Lando. Les plus belles affaires en avant-première. Jusqu'à moins 50, j'avoue, ça me tente. Fresh Days à Lando. À ce prix, je dis oui à toutes mes envies. Profitez des Fresh Days sur Zalando.fr. Bénéficiez de remises jusqu'à 50% sur la mode femme, homme et enfant. Topshop, Levi's, Lacoste. Du 5 au 18 juin, les Fresh Days Zalando, ce n'est que sur Zalando. Détails de l'offre sur Zalando.fr. Fresh Days Zalando. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Afrojack. David Guetta. Armin Van Buren. Deadmau5. Don Diablo. Martin Solveig. Tiësto. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017. Les 13, 14 et 15 juillet à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. Les premiers pas de votre enfant. Une aurore boréale. Le mariage de votre meilleur ami. Qu'allez-vous capturer avec votre smartphone Asus Zenfone Zoom S? Double capteur photo, zoom optique. Ne ratez aucun moment de votre vie grâce à ses 2 jours d'autonomie et ses 128Go de stockage. Asus Zenfone Zoom S. Capturez l'instant. Et jusqu'au 27 juin 2017, chez Darty, un smartphone Asus Zenfone Zoom S acheté, un casque Bluetooth JBL T450 pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin et sur darty.com. Bonjour. Alors, je voudrais 500 g de lunettes de soleil, 3 louches de crème solaire et 2 belles tranches de tongs. Je sens que je vais me régaler cet été avec EasyJet. Offrez-vous des vacances d'été délicieuses avec EasyJet et envolez-vous en Europe à partir de 35 euros. Conditions et réservations sur easyjet.com. À l'occasion de la 10e édition de la Sage Freestyle Cup à Marseille, Fun Radio présente Party Fun Live. Mercredi 21 juin, Plage Borély. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Galantis, Packermat, Henri PFR, Ugel, Watermat, Adrien Thomas, Imaïva Carter. Party Fun Live. Mercredi 21 juin à partir de 19h. Plage Borély à Marseille. À vivre en direct sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bienvenue dans un monde où les multinationales décident de tout, jusqu'au moindre détail de votre existence. En 2074, on doit tout à son entreprise, même la vie. Découvrez la nouvelle série Incorporated, demain à 20h55, en exclusivité sur Sci-Fi, la chaîne du fantastique. Disponible avec Canal et SFR. De 22h à minuit, Marion et Enzo font leur night show sur Fun Radio. Oui, et dans quelques minutes, nous allons tester la barbe à papa, goût tête brûlée, ça devrait arracher. Alexandre va partir faire préchauffer la machine d'ici 5-10 minutes, tu nous fais ça? Ouais, on va faire ça. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça va montrer aussi si ces machines à barbe à papa qu'on achète dans le commerce pour la maison sont efficaces, si c'est bien, si on peut vous le recommander ou pas. Exactement, ce qui peut être très sympa pour l'été lors d'une pool party. Exactement, pour un anniversaire et tout, on va voir si ça fonctionne, si c'est cool, le prix, tu nous diras tout dans un instant. Exactement. Pour le moment, on est avec Emilien de Lille. Emilien, il a besoin de nous parce que forcément, le stress des examens, tout ça, il a l'impression de ne plus rien emmagasiner, d'avoir une mémoire qui flanche quelque part. Et Emilien est avec nous. Alors, c'est un peu ça. Tu as tout résumé. Alors, Emilien, t'es en quelle filière, toi? Je suis en S. T'es en S, d'accord, ok. Et c'est quoi qui te fait le plus galérer? C'est vraiment retenir les leçons, les théorèmes, les auteurs? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui rentre pas? C'est retenir tout ce qui est théorème de maths, tout ce qui est, les lois de physique chimie, des trucs comme ça, quoi. J'arrive pas du tout. Et c'est pareil, j'ouvre mes annales, il y a des trucs, j'ai l'impression de les découvrir, quoi. J'arrive pas. Bon, après, faut pas tout mélanger. Je pense, Emilien, que ta mémoire va très bien, mais que simplement, là, le stress te fait perdre tous tes moyens. Donc, je pense qu'il va falloir que tu fasses beaucoup de travail de respiration. Hein. Bah, c'est ça. Et puis surtout, là, si tu fais tout maintenant, un peu au dernier moment, c'est l'accumulation et tout qui est trop pour ton cerveau d'un coup. Fallait peut-être y aller plus doucement, mais plus sûrement, et commencer les révisions un peu plus tôt. Bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait. Nous, on a 4 astuces pour toi pour booster ta mémoire. Bah oui, c'est vrai. Bah, t'as qu'à l'engueuler aussi. Non, mais c'est un conseil qu'on ne donnera jamais assez. Plus vous bossez régulièrement dans l'année, plus les révisions de fin d'année sont faciles quand même. Oui, c'est ça. Mais enfin, parfois, on a d'autres choses à faire dans l'année que de réviser. Et ça peut se comprendre. Ça peut s'entendre, ça. Ou alors, c'est trop pour toi, Marion. D'accord, on a le bad cop et le good cop. Hein. Bon, alors, premier conseil. Vous allez voir, celui-ci, je n'en avais jamais entendu parler. Serrez les poings. Ah ouais? Ça vous parle ou pas? Non. Non. Ah, vous avez vos mains, là, vous serrez très fort les poings. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permettrait d'améliorer la mémorisation des informations. En fait, si cette action stimule l'hémisphère gauche de notre cerveau qui est associé à l'assimilation des connaissances. Donc là, tout le monde dans le studio est en train de serrer ses poings. Alors, moi, c'est terrible parce que j'ai les mains qui rigolent. Non, mais c'est drôle de se dire pas ça. Serrer fort. Alors, serrez ça régulièrement. Pendant que vous travaillez tout ça, Emilien, tu fais ça et tu vas voir que sans t'en rendre compte, ton cerveau va plus vite assimiler. C'est comme un point d'acupuncture fait par soi-même, en fait. Exactement. Franchement, c'est bon à savoir. J'aime beaucoup ce conseil. Le deuxième, à mon avis, vous le connaissez, c'est faire du sport avant de réviser. Ah bon? Ah, vous saviez pas? Non. Ah ben non. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Tu savais pas? Eh ben, on peut faire les deux en même temps, serrer les poings et faire du sport. Ah bille. Oui, et de la boxe. Du coup, tu serres, tu vois? Tu tapes dans un truc? Non, ouais, exactement. Ouais. Hein, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a lupé exactement? Mais il va me casser longtemps, celui-là. Alors, je vous explique pourquoi. Juste parce qu'en fait, ça accélère la circulation sanguine et donc ça facilite l'oxygénation du cerveau. Ouais. Donc, le processus de mémorisation, tout simplement. Après, quand tu fais du sport, t'es un peu crevé quand même. Ouais, mais c'est bien. Au moins, ton cerveau est apte comme ça à retenir les informations. Bouger les yeux de droite à gauche et inversement. Voilà, Anso est en train de le faire. Et ben ça fonctionne. Oui, c'est assez ouf. Le fait de bouger les yeux de manière latérale permet de faire interagir plus efficacement les deux hémisphères de notre cerveau. Non mais et donc ça booste nos capacités. C'est ouf comme ça détend. Hein. Alors je vois Thibaut à la réa le faire. Tu bouges ta tête. Faut pas bouger ta tête. Ah non mais moi ça me détend pas, ça me stresse. Ah si c'est hyper irritant. Ah ça me dégoûte. Ah moi aussi ça me stresse trop. Enfin, si vous y arrivez, franchement, c'est un bon moyen, mais tout ça, vous allez pas vous en rendre compte, en fait. Vous allez pas vous dire, ah oui, j'ai mieux retenu, c'est complètement inconscient, mais ça aide. Hein. On serre les poings, on fait du sport, on bouge les yeux de droite à gauche. Et le dernier conseil, très connu, mais très utile, lire à voix haute. Ah ouais. Ça c'est top, ça permet vraiment de retenir les informations plus facilement. Alors attention, il ne faut pas lire tous les cours, sinon le cerveau ne retient pas tout. Il faut vraiment aller cibler les éléments importants et les lire comme ça plusieurs fois à voix haute. Oui Amir. Ça dépend aussi si tu as une mémoire auditive ou visuelle. Oui. Non mais pour tout le monde, quand tu lis à voix haute, quoi qu'il arrive, ça accélère ta mémoire. C'est pour ça qu'il faut le faire, c'est important. Après, il faut se dire un truc, c'est peut-être pas de faire les quatre trucs en même temps pour pas passer pour un taré aussi. Non mais de toute façon, ça tu le fais à la maison, hein. Tu le fais pas juste avant l'examen ou avec les potes, mais c'est à tenter. Et franchement, je pense que si ça, c'est, je l'ai vu sur plein de sites, je l'ai vu sur LCI et tout, donc ça a été prouvé, il y a des études, donc à mon avis, on peut faire confiance à ces conseils. Emilien, qu'est-ce que tu en penses? Ben, l'histoire de bouger les yeux de droite à gauche, c'est quand même pas facile pour lire tout ça. Non, mais tu le fais avant, mon chat, ouais. T'es pas obligé de le faire pendant que tu révises. Ah, ok. Ah oui, bah c'est comme le sport, tu vas pas faire du sport pendant que t'apprends un théorème, tu vois, bah, c'est juste avant. Si, ouais, pourquoi pas, tu peux faire du sport en écoutant des cours que t'as préenregistrés, par exemple. C'est pas mal aussi de préenregistrer les cours, hein. C'est pas bête. Belle idée. Ça peut être pas bête non plus. Merci beaucoup. On a du monde au standard, c'est Amanda qui nous a appelé à Lens. Bonsoir, Amanda. Salut Mario Enzo, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Amanda? Bah oui, vous? Oh bien. Oui ma belle, t'avais une technique de mémorisation toi aussi? Ouais, bah Anne-Toi m'a un petit peu grillé mon truc quoi. Ah, alors c'est quoi? Moi en fait ce que je fais c'est que je viens toujours en cours avec un dictaphone où en fait j'enregistre les parties du cours les plus importantes. Ouais. Je les réécoute à longueur de journée. Et surtout ce qui m'aide énormément c'est que le soir je mets mes écouteurs, je mets mon dictaphone en route. Et je m'endors avec, en fait. C'est pas con, hein? Et le lendemain matin, je me réveille, j'ai tout qui repasse dans ma tête. Ouais. Franchement, c'est pas bête. Moi, je trouve que l'idée est bien. Après, il faut avoir le droit d'avoir un dictaphone en cours. Je suis pas sûre que moi, j'avais le droit. Enfin, pourquoi pas. Et puis, peut-être que c'est beaucoup aussi à enregistrer. Ça te fait quand même 8 heures par jour de rush. C'est un peu compliqué. Les passages les plus importants. D'accord. Bon, après, sur téléphone, t'as le dictaphone. J'imagine que t'as pas le droit au téléphone en cours, mais un peu en loose dans ton sac, pourquoi pas. Après, Amanda, c'est une bonne idée, je trouve. Mais Emilien, je pense que c'est quelque chose à pas faire non plus toute la journée. Faut pas se bourrer le mou, tu vois. Ah ouais, dans ces cas, faut prendre vraiment les étapes, les choses les plus importantes, parce que sinon, oui, son cerveau, il va même plus se reposer, ça va trop travailler là-dedans. De toute façon, Amanda, toi, t'as la voix de la meuf de la réussite. Ouais. Hein, ça se sent. T'as passé le bac déjà? Ah oui, bah moi, je l'ai passé il y a longtemps, ouais. Et t'as eu combien? J'ai eu combien? Attends, il y a 6 ans. Ouais, non, j'ai un peu foiré quand même mon bac, hein. J'ai eu à 10,9. Mais je m'étais pas donné les moyens. D'accord. Pour mon bac, j'avais pas eu en application, voilà ce que je viens de dire. Mais par contre, ça m'a servi plus tard pour mon BTS. Et là, par contre, ça m'a vraiment aidé. Mais tu l'as eu. Et bah, c'est bien. Bah, exactement. Bravo à toi, en tout cas, et merci pour ta réaction. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, bon courage à Emilien. Bisous. Merci, Amanda. Bisous. Bisous. J'aimerais bien qu'on se fasse un petit tour d'équipe pour savoir si vous aussi, vous avez des techniques. Moi, je les ai dues. Hein. Franchement, s'il y a quelque chose qui marche bien, c'est de coucher les leçons sur le papier. Tu sais, d'écrire ce que tu connais déjà et tout, et ça te permet de l'enregistrer encore mieux. D'accord. Voilà, donc apprendre à laisser. Une phrase de vieux quand même, ça, coucher. Ouais. Coucher les leçons sur le papier. Ouais. Oui, effectivement, c'est pas très 2017. Je te le prends complètement, Amir. Ouais, mais c'est plutôt poétique. Ouais. Anso, est-ce que t'as une technique à part le coup d'enregistrer sa voix? Manger du poisson. Voilà, c'est riche en oméga-3. On le répétera jamais assez. Le poisson, c'est bon pour la santé. On mange du poisson. Oui, Thibaut, à l'arrière. C'est quand même chelou parce que le poisson, c'est l'animal qui a le moins de mémoire, on dit. Donc c'est bizarre que tu manges un animal qui a pas de mémoire et ça te donne de la mémoire. C'est pas bête en ce qu'il dit. Oui, mais si, c'est parce que c'est absolument faux. Cette espèce de légende urbaine sur le poisson rouge est totalement fausse. Il y a beaucoup d'études qui l'ont prouvé. Le poisson rouge n'a pas une mémoire de 3 secondes, mais de 3 mois. Ah bon? Ouais, exactement. Donc il a le temps de capter ses tours de bocal, le pauvre poisson rouge. Ah, c'est terrible, il vit comme ça dans quelques centimètres et il s'en rappelle. C'est dur, oui, Thibaut. Enfin, calmons-nous, c'est une mémoire de 3 mois. Bah quand même. Mais c'est rien du tout, ça peut pas te donner de la mémoire de toute une révision d'année. Elle a raison, c'est prouvé, hein, c'est très bon les oméga 3. En revanche, c'est quelque chose que tu fais sur du long terme. Ça sert à rien de manger du poisson la veille pour le lendemain, vous allez pas mieux retenir. Hein. Oui, exactement, non, on en mange comme ça tout au long de sa vie. Alexandre, toi qui es notre consultant crash test, est-ce que tu as une technique pour mieux retenir les choses ou pas? Honnêtement, non. J'ai une très mauvaise mémoire et... Ah ouais? Et cette émission m'est très utile aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. Oh, qu'il est mignon. Et pourtant, il a eu des bonnes notes, comme quoi si on bosse, même si on a une mémoire de merde, on peut s'en sortir au bac. Ouais, c'est ça, mais toi, t'as bossé toute l'année. Non plus. Ah non, bah, tu vois, bon. mais cet homme est un prodige. Oui, hein, c'est ça, le talent, quoi. Eric nous a appelé du côté de Roubaix. Bonsoir, Eric. Salut les filles, salut la team, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Salut Roubaix. Bah écoute, ça va, tranquille, hein. Alors, toi aussi, tu as une technique à nous proposer. Alors ouais, moi j'ai une technique un peu plus moderne que tout le monde. Ah. Moi, je télécharge des applications pour faire travailler tout ce qui est mémoire. Et notamment, j'utilise une application avec les animaux, parce que ouais, j'aime bien les animaux. C'est Animal Memories. Ah, c'est sympa, ça consiste à quoi ? En fait, le délire, c'est que t'es avec un jeu de cartes, et en fait, tu dois retrouver le personnage que tu sors, en fait. J'adore. Alors, par exemple, si tu sors une vache, eh ben, faut que tu retrouves la vache parmi 6 cartes, 12 cartes, ça dépend de ton level. J'adore ce genre de jeu. Et en fait, Eric, je pense avoir déjà joué avec cette appli. En gros, au départ, tu pars sur, genre, par exemple, 8 cartes, puis après 16, puis après 32, puis après, voilà. Puis après, tu te retrouves avec un tas de cartes, et toutes ces vaches à retrouver, c'est fascinant. Ouais, moi, ma nièce, elle joue à ça aussi. Ouais, mais ouais. Franchement, c'est pas con, ça peut paraître enfantin comme ça, mais il y a plein d'applications pour booster la mémoire. C'est bien. Avec ça, ça m'a vachement aidé quand même. Parce que moi, ça va faire à peu près 2 ans que j'utilise ce genre d'application. Ah ouais, et ouais. Franchement, au niveau de ma mémoire, je passe régulièrement des examens et tout ça. Et je me rends compte que. je me rends compte qu'au final, c'est productif quoi. Eh ben écoute, merci pour le conseil. C'est Animal Memories, c'est ça hein? Oui, Animal Memories. Ou après, il y en a d'autres hein, applications. Il n'y a pas que celle-là. Mais si vous aimez les vaches. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et même pour ceux qui ne révisent pas, juste pour améliorer votre mémoire au quotidien, pourquoi pas? C'est ludique et tout, ça passe bien. C'est gratuit, la petite application dès qu'on a 5 minutes à tuer au boulot ou n'importe. Merci Eric. Hein. Je t'embrasse et tu vois Lara, tu vas arrêter avec ces vaches parce que ça me tend là. Bisous Eric. attendez. Mais d'où vient cette autre vache là? Alors, la grosse? De Bretagne. Alors non, ça c'est la Normandie ça. Ah. C'est la Normandie, ouais. J'entends là. Ah ouais, chelou hein. Bon, est-ce qu'on a fait le tour avec notre pote Emilien pour les techniques de révision, en tout cas de mémorisation? Est-ce que ça a pu t'aider un petit peu mon pote? Eh ben écoute, l'application, je suis déjà en train de la télécharger. Ah super. Et l'histoire des cours, etc. Je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'après tout, on écoute la radio, donc pourquoi on n'écouterait pas des cours? Oui, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas. Franchement, tu le tentes et surtout, tu nous tiens au courant. On espère vraiment que ça va bien se passer jeudi pour la première épreuve et pour toutes les autres. On croit en toi. Hein. Ça marche. Bonjour, merci. En tout cas, ça me fait plaisir. Bisous, Emilien. Et surtout, tu nous envoies tes résultats scolaires, juste pour savoir si on est content ou pas content, quoi. Ça marche. Pas de soucis. Je vous enverrai une photo de mon bac. Bisous. Voilà, photo peut-être pas quand même. Hein. Ouais. C'est un peu too much. Mais moi surtout, cas... j'ai compris, je vous enverrai une photo de mon mec. Oui, moi aussi. De son bac. Pépère, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, Pépère, salut. Ça va? Oui, ça va super. Amir, je me suis lavé, je sens bon. Ah oui, ouais. Tu sens bon ce soir. Parce que la semaine dernière, c'était. Oh, non, oui. Mais je vous jure, la semaine dernière, il sentait pas bon. Et cette semaine, ça va. Bah oui, mais j'ai eu des dégâts des os. Donc. Pépère, raconte-nous, est-ce que t'as une technique bien. Pour améliorer ta mémoire? Oui, bah alors vous l'avez déjà dit, en fait, Pépère, pour travailler sa mémoire, il mange beaucoup de poissons, tu vois, c'est très très efficace. Mais vu que c'est pas facile de pêcher, tu vois, alors Pépère, de temps en temps, il bouffe la chatte de mes mères, tu vois. C'est pareil, vu que ça sent la morue, donc. Oh Tu dégoûtes. Et parfois, il y a des arêtes. Mais où traîne-t-elle, cette pauvre femme? Tu sais, dans les étangs, tout ça. Ah, d'accord. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le crash test avec notre spécialiste Alexandre Calvez qui va nous faire goûter de la barbe à papa goût tête brûlée. Oui. Ça va être énorme. Ne bougez pas en ce moment, Facebook Live. Et pour le son, c'est AMT sur Fun Radio. Vous êtes sur Fun Radio, il est 22h34, c'est Marion et Anso, le Night Show, et il est l'heure de débuter le crash test du soir. Alors on est ravis, c'est notre ami Alexandre Calvez qui nous a proposé ça, on a dit oui tout de suite, j'adore l'idée. Il s'agit d'une machine à barbe à papa, jusque là, rien de trop, c'est plutôt classique, ça existe depuis longtemps l'histoire. Où est-ce que tu l'as acheté, combien ça coûte, raconte-nous. Alors ça se trouve un petit peu partout, dans les magasins classiques d'électroménager ou même en grande surface, et donc c'est une machine à barbe à papa domestique que l'on peut acheter pour le mettre chez soi. Ça ne coûte pas plus de 25 euros. Enfin si, ça peut coûter plus de 25 euros, mais c'est à partir de 25 euros. Voilà. Donc, oui, donc c'est ni plus ni moins que comme un appareil à fondu, à pierrade, à raclette, à exactement. Tout ça quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Alors ça ressemble à une soucoupe en fait hein. La nôtre elle est rouge. Alors comment tu pourrais la décrire, parce que moi je vois pas l'intérieur d'ici. C'est un cercle creux, et à l'intérieur il y a une espèce de disque dans lequel on met le sucre qui fond avec la chaleur et qui forme une espèce de toile d'araignée qui devient de la barbe à papa et qu'on chope avec un bâton. C'est ça. Donc à la base il vous faut forcément du sucre, des bâtons là, vous savez, pour faire les brochettes de barbecue ou les barbes à papa, s'achètent pas. C'est dur à dire barbe à papa. Mais non. Mais si, barbe Amir, à papa. Amir, il galérait aussi sur le live Facebook barbe à papa. On est d'accord, c'est dur à dire barbe à papa. Mais oui, parce que c'est dur, il y a beaucoup de ah ah quoi. Non, barbe souvent, à papa. C'est pas fait pour le dire souvent. Non. Barbe à papa. Donc voilà, il vous faut ça, c'est facile. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? Quelle recette inédite tu veux faire pour nous, Alexandre? Eh bien, il y a plein de recettes de base qui sont achetables dans le commerce, que ce soit au coca, à la fraise, enfin les goûts classiques. Et là, on va essayer avec quelque chose qui, à la base, n'est pas prévu pour. C'est du sucre mélangé à de l'acide, tête brûlée. Oui, oui, il ne faut pas s'arrêter à l'acide, parce que ça fait très peur vu comme ça. Ah bah oui. D'accord. Non, non, c'est vraiment de l'acide. Alors, juste pour expliquer, on a trouvé un kit pour fabriquer ses propres têtes brûlées dans le commerce. Vous achetez ça dans des magasins de jouets et tout. Donc nous, on va utiliser les ingrédients, à savoir l'acide. Est-ce que tu vas mettre du colorant ou pas besoin? Je pense qu'on va éviter dans un premier temps. Ouais. On va essayer de la jouer safe, parce que je ne sais pas si ça marche avec de l'acide. Avec d'accord. Le sucre, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Je propose déjà, si vous le pouvez à la maison, vous branchez sur le Facebook Live Marion et Anso. Comme ça, vous allez voir la démonstration d'Alexandre. Vous allez voir que c'est très facile de faire des barbes à papa. On va essayer de vous décrire ça au mieux et on va tous goûter après la préparation tête brûlée. Ok, c'est parti. Donc, la première étape consiste à verser le sucre et l'acide mélangé dans une espèce de petite cuillère dosage, je ne sais plus comment on le dit, aide-moi Amir. Une petite cuillère, voilà. Et on va mettre tout ça au centre de la machine. Oh mince, c'est pas mal. Tu sais que Anso, je pense que... Est-ce que tu veux goûter, Amir? Non, alors c'est très fort ça. L'acide. Est-ce que ça pique? Ah oui, il fait la tête du gars qui n'est pas bien. Hein. Ouais, recrache pas, attention. C'est bon, hein, c'est juste fort. Voilà, c'est extrêmement fort. Bah, c'est comme les têtes brûlées, quoi. Ouais, c'est pas mal. Pardon. Anso, toi qui tiens très, très bien le personnage de la foraine, tu peux nous ambiancer un peu le studio ou pas? Ah oui, bah, je peux. Mais attention! Est-ce que vous êtes prêts à goûter la barbe à papa Alexandre Calvez? Ah oui! Est-ce que vous êtes prêts pour un petit tour? Allez, ça vous stimule les globules! C'est pas mal, hein? Ok, donc du coup, là, on va pouvoir lancer la machine. Attention, allez. 3. 2, 1, c'est parti. Sympa la machine. Wow. Alors, c'est pas très bruyant, honnêtement, on entend un petit bruit de fond. Voilà, c'est comme un mini ventilateur en fait. Ouais, c'est léger, ça va vite, c'est sympa. Donc là, je vous rappelle qu'il a mis le sucre et l'acide, hein, c'est ça? Exactement, et là, il va falloir combler pendant une minute le temps que le sucre fonde, comme je vous l'ai dit. Ah, c'est comme ça que ça marche en fait. Exactement. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Pendant que la barbe à papa fonctionne, je vais entendre tout le studio. Allez. je t'entends pas. Bienvenue à la fête foraine du Night Show. Il y a du chouchou pour les plus sages. Attends, parce qu'il faut quand même expliquer aux gens qui débarquent maintenant sur Fun Radio qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est un peu bizarre, effectivement. C'est un crash test spécial machine à barbe à papa. Ah, j'ai réussi à le dire. Et donc, nous, on va faire une recette unique, inédite. C'est la barbe à papa tête brûlée, donc qui arrache. Hein, la tête brûlée, ce sont ces petits bonbons-là, vous savez, qui font pleurer tellement ils piquent. Et je vous rappelle que si vous voulez juste fabriquer vos têtes brûlées, il y a des kits aussi dans le commerce pour simplement faire ça. Ouais, mais alors, du coup, combien de temps ça met pour fondre Alors, une ça minute. Dépend du temps, voilà, mais en général, c'est une minute. Et bien sûr, il faut préchauffer la machine avant pour que ce soit plus efficace, ce que l'on a fait. Ouais. Et au bout d'un moment, des petits filaments vont apparaître. Puisque le sucre est éjecté par des petits orifices sur les côtés, tel. Excusez-moi, je pars dans une description très. ouais, tendancieuse. Voilà. On n'ira pas plus loin. Mais cela dit, ça ressemble vraiment aux vraies machines à barbe à papa qu'on voit dans les fêtes foraines. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un modèle miniature. Petit. Par contre, ça fait une minute là. Oui, ben justement, ça commence à apparaître. Mais alors, juste, est-ce que je peux passer un petit message personnel et vraiment féliciter de tout mon cœur Enzo, parce que hier je lui ai dit, mec, ce serait vraiment bien qu'on ait une déco ambiance stand fête foraine, barbe à papa, gros délire et tout, et on a donc une table une formidable table dégueulasse qui vient de je ne sais où. C'est et belle déco en tout cas, Bichon. Alors, quelle est ton excuse du coup, Enzo? Alors, pour la y a pas d'excuse, moi je mise tout sur la personne, donc pourquoi parasiter la beauté d'Alexandre Calvez avec une déco? Ouais, ça ouais. Alors cela dit, voilà. En tout cas on pourrait féliciter Alexandre parce qu'il est en train de monter sa barbe à papa, le sucre monte, ça fait effectivement des filaments comme une toile d'araignée. Voilà, c'est là, plutôt c'est joli parti, hein. Ça va aller très très vite. Alors il est en train de. Je ne sais pas si ça va marcher. Si, il est en train d'entourer son bâton comme ça de sucre et tout. Moi je trouve c'est un peu angoissant, on dirait des cheveux. T'es, là pour l'instant on part sur un fail. Ah ça marche pas? Bah si ça marche, regarde, tu je les attrapes. Les gars l'ont trop sali. Oh non, alors là tu vas pas mettre ça sur le dos des gars. Tu sais quoi? Prends ton temps, fais tranquille ta barbe à papa. Okay. Nous on va lancer un disque et tout, comme ça tu te mets pas la pression. Et je veux goûter après cette espèce de mixture qui arrache la gueule. Et bah restez avec nous, vous savez quoi? On va rester en Facebook Live avec vous. Rejoignez-nous sur la page Facebook Marion et Anso. Vous allez directement sur la page et le live va se lancer. Et pour le son Sound of Legend, juste avant de goûter à la barbe à papa spéciale tête brûlée. Mon Dieu, quel suspense! Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Fun Radio spécial Fête Foraine ce soir. Avec Alexandre Calvez. Du bruit pour Alexandre Calvez. Ouais, yeah. Alors oui, effectivement, on est en plein crash test. Tu fais très bien la foraine, Babin. Jackie aux manettes. On est en train de tester la machine à barbe à papa, sauf que nous, on a voulu mettre une difficulté. Hein, c'est le goût tête brûlée. Donc on a mis en même temps l'acide du kit à tête brûlée, en même temps que le sucre, et ça a du mal à prendre, mais ça commence à venir. Donc on a le temps, on a jusqu'à minuit. On va sortir une barbe à papa. Ouais, on est confiant, on va réessayer jusqu'à ce que ça marche. Je vais me donner de moi-même. Eh bah donne de toi-même, mon pote. On est en Facebook Live, hein. Allez-y, allez partager le live, comme ça vous voyez un petit peu ce fail qu'on est en train de vivre, mais qui va se transformer en réussite, j'en suis sûre. Et pour le moment, on a Mélanie qui est avec nous à Boulogne-sur-Mer. Mélanie, elle nous appelle parce qu'elle a un coup de gueule à passer. Bonsoir à toi, ma Méluche. Salut les filles, salut tout le monde. Salut. Ça va, Mel? Ça va très bien, et vous? Oui, alors on t'écoute Mel, la France t'écoute pour ce coup de gueule. Ouais, alors moi mon coup de gueule du soir c'est, je comprends pas pourquoi nous les filles, on peut pas faire les mêmes choses que les garçons, sans passer pour des idiotes ou pour des connes ou quoi que ce soit. C'est, je vais vous donner mon exemple, c'est en soirée, il y a toujours un gars qui finit par prendre son cul en photo, ses fesses, ou un cul à l'air, genre machin. Et ben je vois pas pourquoi nous les filles on ne pourrait pas le faire, parce que ben la dernière fois moi je l'ai fait en soirée, bon, voilà, pareil, hein, y a pas de raison. Et en fait là ça a été pour qui tu te prends, ça fait vraiment pute, enfin voilà, et alors, ça m'a choqué. Effectivement, je peux comprendre, tu es une fille et tout, t'as montré tes fesses pour un délire. Alors effectivement, mais t'as raison, hein. Un garçon qui le fait c'est drôle, une fille c'est moins classe, mais on va en parler avec toi dans un instant. Déjà, tu vas nous expliquer pourquoi t'as décidé de montrer ton cul comme ça à des inconnus, parce que ça m'intéresse. Dans quelles circonstances, qui a pris la photo, est-ce qu'on peut voir éventuellement cette photo? Tout ça, et on va parler de ton coup de gueule. Appelez-nous si vous aussi, vous avez un coup de gueule à passer, ou si peut-être, y a quelque chose que vous enviez dans le sexe opposé par exemple. Peut-être pas mal ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez dans le sexe opposé? 01 42 48 5000. On essaie comme ça de résoudre ce coup de gueule de Mel dans un instant. Fun Radio vous envoie à la plus grosse teuf du monde. People of Tomorrow. Tomorrowland. Dès que vous entendez le double fun avec Martin Garrix fun. Et Don Diablo mixé à la suite. Appelez Fun Radio. 3228. Vous partez en week-end. Tout frais payé. Pour vivre Tomorrowland. Avec les plus grands DJ. Are you ready? Et en plus, JBL vous offre la nouvelle enceinte Flip 4. Le double fun, uniquement sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. JBL, numéro 1 des enceintes portables Bluetooth. Fresh Days Zalando. Les plus belles affaires en avant-première. Jusqu'à moins 50, j'avoue, ça me tente. Fresh Days Zalando. À ce prix, je dis oui à toutes mes envies. Profitez des Fresh Days sur Zalando.fr. Bénéficiez de remises jusqu'à 50% sur la mode femme, homme et enfant. Adidas, Vans, Nike, Puma. Du 5 au 18 juin, les Fresh Days Zalando, ce n'est que sur Zalando. Détails de l'offre sur Zalando.fr. Fresh Days Zalando. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça, on se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique, love your imperfections. Fun Radio présente l'Electro Sound Festival. L'Electro Sound Festival. Le 1er juillet, pour la première fois sur la scène du théâtre de plein air à Colmar. Retrouvez les plus grands artistes électro du moment. Sound of Legend. Eva Simons. Timmy Trumpet. Bilal. Et Riyab. Fun Radio. Partenaire de l'Electro Sound Festival de Colmar. Okay, infos et réservations, point de vente habituel. Electrosoundfestival.com et funradio.fr. Bonjour. Alors, je voudrais 500 grammes de lunettes de soleil, 3 louches de crème solaire et 2 belles tranches de tong. Je sens que je vais me régaler cet été avec EasyJet. Offrez-vous des vacances d'été délicieuses avec EasyJet et envolez-vous en Europe à partir de 35 euros. Conditions et réservations sur easyjet.com. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Living on. Break down the walls to connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire, yeah. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, they stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the liars. Du matin. Vous aimez les filles pas trop grandes qui ont une frange? Ah yeah! Écoutez le Night Show de Marion et Anso. Sur Fun Radio. On a plusieurs dossiers en cours là. On a déjà Mel, notre auditrice, qui avait un coup de gueule à passer concernant les mecs qui ont le droit de montrer leur cul alors que nous, les filles, tout de suite, c'est pas classe. Et on a surtout le crash test du soir avec Alexandre Calvez qui fait cette barbe à papa version tête brûlée. Et on a réussi à sortir quelque chose de pas mal. Non. Alors, de série Kiki, mais enfin quand même. Hein. Non, mais pour vous faire un petit peu l'image, si vous ne regardez pas en Facebook Live, ça ressemble au cocon de chenille. Ah oui, c'est vrai. Exactement à ça. Exactement, c'est blanc et tout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut goûter? Au moins, on aura le goût et après, tu nous en feras une belle. Eh bien, écoute, on va essayer ça. On va voir si, ce que ça donne. Allez, vas-y, viens. Et Mel, on est à toi dans un instant. Alors, c'est parti. Vas-y, goûte-toi. Hein. Et je vais goûter également. Je vous rappelle qu'on a mis de l'acide dedans du kit tête brûlée. On va voir si. Oh putain, oui, ça arrache. Ah, oh, c'est bon. C'est grave. C'est... En fait, c'est grave bon. Ça pique un peu, mais c'est un mélange de coca et du. C'est vraiment version tête brûlée, quoi. C'est tu veux trop, goûter, Anso? Bon. Non. Si. Ça pique quand même un peu. Mais non, c'est beaucoup trop sucré. Après, pour moi. Ça pique. Ça picote un peu, mais effectivement, c'est bon. Mais je pense que tu peux encore mettre le paquet sur ça et tester une aussi avec les colorants pour qu'on ait une belle barbe à papa. Qu'est-ce qu'il y a, Amir? Ça te fait mal? Ça pique? C'est dégueulasse. C'est bon. Goûte, il y a de la téloche et du standard. Franchement, continue, essaie de nous faire une version améliorée de tout ça, Alexandre. Et on vous fera un débrief complet de ce crash test en fin de soirée. Ça divise les foules. Il y en a qui trouvent ça écœurant. Moi, Alexandre, on aime bien. C'est plutôt pas mal. C'est pas bon, mais ça me... Thibaut, à l'arrêt, a goûté. Il a une tête de mec pas bien du tout. Ça arrache un peu. Eh, c'est le but, les gars. En fait, c'est des têtes brûlées. T'as l'impression que t'as pris genre une boîte entière de trucs qui arrachent là et que t'as mis ça dans. Oh. On va vous dire ce qu'on en pense dans un instant. En tout cas, pour l'instant, c'est un crash test qui fonctionne plutôt pas mal. On vous mettra la recette évidemment partout. C'est pas bien compliqué. Hein. Mais oui. Bon, on était avec Mélanie, dit Méluche, il y a quelques instants. Mélanie, elle est saoulée. Alors, je vous fais le topo. Elle était en soirée il y a pas très longtemps et elle s'est rendue compte que tous les garçons pouvaient montrer leurs fesses comme ça, les prendre en photo. Mélanie, elle a voulu, elle, montrer son cul et tout le monde l'a dit ouais, t'es qu'une grosse chaudasse, tout ça. Alors effectivement, on n'est pas égaux sur le montrage de fesses, mais c'est vrai que Méluche, on voulait savoir pourquoi tu voulais montrer ton cul. Bah, c'est pas que je voulais absolument, c'est juste qu'en fait, les garçons sont sortis fumer une clope et ont dit ah, on fait la photo, parce que c'est un peu un rituel hein, en soirée. Ouais, on fait la photo de nos fesses. Et donc en fait, j'ai dit ouais, bah dans ce cas-là, moi je me mets aussi. Mais non, mais non, mais non, mais tu vas pas le faire et tout. Et donc du coup, quand ils ont pris la photo, bah, hop, je suis arrivée, j'ai soulevé ma jupe et j'ai fait la même chose. Oui, bon, bah, c'est un délire et tout. Moi, je comprends pas ces gens. Ils devraient plutôt profiter du paysage et admirer au lieu de critiquer. Non, mais t'as raison. En plus, dans le fond, franchement, t'as raison. Après, voilà, moi, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, ça m'a jamais fait marrer les gens qui se mettent à poil comme ça, gratos, devant tout le monde, qui montrent leurs fesses. Pourquoi pas? C'est comme Thibaut dans notre équipe, il se fout à poil tout le temps. J'adore. Des chaussettes sur la teub et tout. Ouais, bon, mais... ça fait rire que lui. Non, mais Thibaut, c'est il est encore rigolo aussi, donc c'est sympa. Oui, mais je comprends le coup de gueule. Après, voilà, je me dis, est-ce que vraiment faut se battre pour être égaux à ce niveau-là? Bon, j'en ferai pas non plus. Mais effectivement, tu as raison. Mais tu vois, Mélanie, on peut prendre un autre exemple. Quand un mec a plein de conquêtes, c'est très cool. Mais quand une meuf a plein de conquêtes, c'est une pute. Oui, tout à fait vrai. Alors, c'est une bonne question. On vous posait la question, là, quel est le truc que vous aimeriez faire, profiter, par exemple, si vous étiez dans le corps du sexe opposé. Appelez-nous et on a déjà de la réaction au standard. Ouais, c'est Estelle qui est à Périgueux. Bonsoir à toi, Estelouche. Salut les filles. Ça va, Estelle? Ça va, Marionuche. Oui, t'as raison. C'est de bonne guerre. Et Anne-Souluche. Et Anne-Touche. Alors, Bichette, tu nous appelles pour nous dire ce que t'aimerais faire, toi, si t'étais un mec, ce serait quoi? Bon, moi, c'est un grand classique, mais j'aimerais bien faire pipi debout et faire pipi surtout n'importe où comme les mecs, si j'étais un mec. Parce que c'est une vraie galère, en fait. Et aujourd'hui encore, j'étais avec une copine. On a fait toute une zone commerciale. On est rentré dans un magasin de bricolage pour faire pipi. Parce qu'on n'avait pas trouvé de toilettes. On a pris des toilettes nulle part. Et on s'est dit, punaise, mais si on était un mec, on aurait pu faire n'importe où contre un arbre. Mais on est né d'Anna et on ne fait pas ça. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais bien faire. Et puis, de kiff, quoi. T'es debout. Entre deux voitures. Après, cela dit, Estelle, moi je trouve ça un peu crado. Hein. Parfois, ça m'arrive quand je rentre de la radio là, vers minuit et tout, je suis sur la route, et je vois des gens faire pipi sur les arrêts de bus, quoi, par exemple. Non, ça c'est dégueu. Ouais. Ça me dégoûte un peu. Tout mec que tu es, il y a des toilettes absolument partout. Tu vas aux toilettes pour faire pipi, ça pue, c'est sale, je suis désolée. Voilà. Même si t'as un tuyau pour. Et alors, j'ai une question, Estelle. Est-ce que toi-même, tu as déjà fait pipi, donc comme toutes les femmes, de manière accroupie, et parfois ça a coulé sur tes sandales? Mais bien sûr. Excusez-moi de soulever un problème. Mais pire. T'as pas de PQ, et des tops partout. Bien sûr. Estelle, en revanche, tu vas trop loin. Mais est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé d'essayer de faire pipi debout comme un mec? Alors, non, j'ai jamais essayé. Ah bon, moi non plus, non. Hein, c'était comme ça. Mytho, t'as déjà essayé. Ouais, non, c'est pas pratique. Et en tout cas, franchement, merci Estelle, parce que t'as raison, tu viens de résumer la pensée de toutes les femmes. Donc, merci à toi, Bichette. Je vous fais des gros bisous. On t'embrasse très Estelle. Fort. Et puis, toi, Mel, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, je comprends que t'as envie de montrer tes fesses. Enfin, limite-toi au cadre de tes amis proches. Évite de le faire en public. Okay. Ouais, je vais essayer. Allez, en tout cas, merci de nous avoir appelé pour passer ce coup de gueule. Hein. Merci à vous, les filles. Je vous aime très fort. On t'embrasse très fort, Mélanie. Toi, Marion, t'as un truc que t'aurais voulu faire si t'avais été un mec. Qu'est-ce que tu envies aux garçons qui peuvent faire et que toi, tu ne peux pas? Le fait de se réveiller le matin et de ne pas avoir ni à se coiffer ni à se maquiller. Je trouve ça hyper classe. Juste une petite douche, bim, ils enfilent un t-shirt, ils sont prêts, ils sont sexy. Alors que nous, clairement, si on veut avoir de la dégaine et tout, on passe du temps, les brushings, les choses, les machins. Tu vois. En même temps, dans cette équipe, par exemple, il n'y a que Yaya et Thibaut qui sont épargnés parce que Enzo, il a les cheveux longs et Amir se coiffe les sourcils chaque fois. C'est vrai en plus. Ouais. Bah oui, il a sa brosse à sourcils. Non mais oui. Vous avez pas eu de brosse à sourcils, vous? Non. Si, j'ai pas de brosse à sourcils, quelle audace, j'ai rien du tout. Vrai. En tout cas, ils sont bien peignés. Je tenais à te le dire. Ils sont beaux quand même, vraiment. Moi, ce serait le truc, la facilité, quoi. Voilà. Et les garçons, il y a un truc que vous aimeriez faire si vous étiez une fille, Thibault Larrea. Ouais, moi, il y a un truc que j'adorerais pouvoir faire, c'est pouvoir mettre du vernis à ongles. Vraiment, j'adore ça. Je suis fan du nail art, je regarde plein de vidéos sur YouTube. J'étais sûre que t'allais me dire, genre avoir un orgasme vaginal, me mettre des doigts, des trucs comme ça. Il y a la version soft de j'aimerais bien me mettre du vernis, et puis il y a la version un petit peu hard où j'aimerais bien me mettre 2-3 doigts dans le vagin. J'étais sûre, mais te mettre des doigts vernis. Absolument, des doigts propres, un peu classe. Tu vois. Absolument. Complètement. Petite plaque de phalange. Oui, Enzo. Moi, franchement, je kifferais faire des swatchs. Tu sais, genre aller à Sephora, acheter des produits et mettre sur ma peau, tester la couleur et tout, juste parce que c'est joli. Je trouve Tu peux le faire, hein, en vrai. Ouais, mais bon, après, je vais pas acheter parce que je vais pas porter. Oui, c'est vrai que c'est pas très utile. Qu'est-ce qu'il y a, Yaya? Non, mais je voulais dire, moi, j'aurais toujours rêvé de me faire maquiller. Et depuis que je me fais maquiller, franchement, c'est trop kiffant. Donc je vous comprends, les filles, c'est kiffant. Excuse-moi, c'est vrai qu'il passe au maquillage à la téloche. C'est sûr. Ah, le make-up. Ouais, c'est sûr. Excuse-nous, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, cette star qui est avec nous dans cette équipe. Restez avec nous, le pourquoi tu m'appelle arrive dans un instant et si vous voulez vous inscrire pour jouer avec nous, et ça marche très bien par mail Marion et Anso@funradio.fr et pour le son c'est Major Lazer sur Fun Radio. Très bon ça, hein. Please say it ain't true, I had to go and cop two. Hell, now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the one. cop dropped off on my whip. Whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Caught my bitch from the tropics. Yeah, you know where she sitting at. Taking shots, pouring bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Cause baby, I know no better. Baby, I know you better. Baby, I know. Baby, I know you better. On the chips, damn. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash, pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the ratings. Cause pull up, we pop out, we raging. You know no better. Stack my bread up. Don't get fed up. Ain't gon' let up. You told me to shut up, but I'ma do better. It's not my race. Get out my face. Drop my case. Which way? Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better. Fun Radio, et chaque soir du dimanche au jeudi de 22h à minuit, et ben c'est Marion et Anso, le Night Show. Sachez que nous allons venir vous voir ce week-end. Nous serons dans le sud de la France, in the south of France, si jamais les Américains nous écoutent. On va voir les sudistes, quoi. Exactement, on sera du côté de Fréjus pour la soirée Party Fun Live, ça va être énorme. C'est-à-dire que les soirées Party Fun, on réunit les meilleurs DJ du moment, on les met tous sur scène, bon, un par un, parce que sinon c'est cacophonique. Et puis franchement, on fait une teuf énorme tous ensemble. Là, il y aura Martin Jensen avec nous. Ça, c'est parfait, hein. T'imagines, il fait beau, il fait chaud, t'es avec ton mec, ta meuf, tes potes. J'adore. Et de la badoie, et hop, soirée de folie. Il y aura aussi Moziman avec nous. Bon, alors, lui, c'est vraiment un chou, on a fait un plateau avec lui il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il est gentil, hein. J'adore Moziman, j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment un showman, hein. Puis le gars, quand il mixe, il est sexy d'un coup, il se transforme. Et juste, si vous êtes du Nord, ne paniquez pas, c'est pas grave. Ou même du centre de la France, puisqu'on va vous faire vivre absolument tout l'événement sur l'intégralité de nos réseaux sociaux Marion et Anso et même Fun Radio. Comme ça, vous aurez l'impression d'être un petit peu avec nous, ce sera sympathique. Il y aura aussi Feder, Lumberjack, La Totale. Et sachez que l'entrée est totalement libre. Ah oui. Donc si vous décidez à la dernière minute d'assister à ce Party Fun Live à Fréjus, eh ben vous pouvez. Mais c'est fantastique, la vie parfois et ses cadeaux. Pourquoi tu m'appelles ? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Non, mais je t'appelle pas, connard ! Je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Marion et Anso, funradio.fr pour vous inscrire et tenter de repartir avec votre mini drone de chez Parrot. On dit Parrot ou Paro ? Parrot, je crois. Hein. Parrot, ok. Oui. Et ben, on vous envoie ça à la maison si vous arrivez à battre Anso ou moi. Si vous tenez le plus longtemps, pourquoi tu m'appelles ? Tout simple. Hein. Je pense que sinon, ce serait un TMEA. Et que du coup, ça n'aurait aucun intérêt. Non, oui, effectivement. Et puis c'est joli, Parrot, ça sonne très bien. Exactement. Julien est à Grenoble. Bonsoir, Juju. Salut les buzz. Ça va le beurre? Ouais, ça va les bons. Oui. Pourquoi tu m'appelles de rattrapage ce soir? Toi, tu es déjà passé avec nous et tu avais foiré. Ouais, c'est ça. T'avais joué contre qui à l'époque? Je crois contre Marion. Et oui, mais je sais, hein, c'est beaucoup de défaites quand on me choisit, qu'est-ce que je te dise. Non, c'est ça, parce qu'en règle générale, quand on me choisit, vous êtes quand même à peu près sur 90% de chances de gagner quand même. Oh, tu sous-estimes la babe. Tu vas choisir qui ce soir? Anso, hein. Ah, il a tout compris. Voilà, ça c'est un bon choix, Julien. Bon, pour te permettre de gagner cette fois-ci, je vais lui donner forcément une difficulté comme tous les soirs, et celle-ci, elle devrait nous faire marrer. En gros, Anso, à chaque phrase que tu diras, tu devras changer d'accent. Tu peux partir dans plein de pays différents, la Belgique, le Nord, l'Espagne, l'Asie, ce que tu veux. Non mais ça va être pathétique, hein. Ah non, ça va être très drôle, tu tiens en plus pas mal d'accent, tu peux aller dans le Sud et tout. Tu te fais plaisir, mais à chaque fois, tu changes. Je vais pas partir sur l'Asie, sinon ça va être limite raciste quand on fait des bains de doigts. Ça va être cliché, mais tu peux. En même temps, les gens peuvent comprendre que c'est pas facile de faire des accents. Bon, laissez-moi essayer. Je fais tout ce que je peux pour vous, pour le show. Julien, reste avec nous. Tu joueras après. Ouais. Bouge pas, petit homme. Voilà, tu vois. Allô. Allô. Allô. Oui. Ça va, gamin? Pourquoi tu m'appelles? Allô. C'est-à-dire qu'il faudrait voir à répondre quand même dans le combiné, parce que c'est-à-dire que je vais quand même pas parler en monologue. Si, monsieur, il faut répondre au téléphone. Allô, bonne nuit, pourquoi tu m'appelles? Monsieur? Il est parti. Ah oui, bah. Ah, en fait, magnifique. Non, mais ton cerveau, il comprend pas aussi hein, quand tu changes comme ça de pays. Moi, il a voyagé. C'est pas un globe-trotteur. Alors, c'était pas mal. Elle a fait combien de temps? 38 secondes. 38 secondes. Ouais. Je voudrais quand même en refaire un petit dernier. Allez. Au cas où. Et on garde évidemment ce score-là. Pars sur d'autres accents. Tu peux aller dans le sud. Qu'est-ce que t'as pas fait? En fait, là, j'ai fait tout ce que je savais faire. Anglais? Tu peux parler avec un petit accent anglais? Mais comment? Je sais pas. Bonjour. Ouais, voilà. Hello? Ouais, très bien. Ça. Russe aussi. Oui, allô? Allô? Oui. Ça va, gamin? Allô, monsieur? Oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Moi, j'appelle pas, moi. Ah, bah, c'est-à-dire que si, monsieur, vous m'avez appelé, mon téléphone vient de sonner une fois. Au revoir. Bah, nous, on me quitte pas comme ça! Monsieur? Bon, oui, ah, c'est génial. Ouais, c'est difficile. C'est très difficile. Franchement, cette difficulté, entraînez-vous chez vous, essayez de parler comme ça. À chaque phrase, un nouvel accent, c'est pas facile, donc bravo, Bab. Merci beaucoup. J'ai fait combien de temps cette fois-ci? 22 secondes. Eh ben, t'as qu'à dire que c'est médiocre aussi. Non, mais c'est médiocre. Avec ton petit ton de 22 secondes, là, tu crois que je t'ai pas vu, Thibaut Alaria? Bon, Julien, 38 secondes à battre. Si tu ne gagnes pas, moi, je sais plus quoi faire pour toi, mon pauvre. Hein? Non, je pense que ça va le faire. Allez, c'est-à-dire qu'il faut que tu. Ah, je le tiens pas mal quand même, l'accent belge. T'as pas fait le Corse aussi? Et allô. Ah ouais. Tu vois? Je crois que c'est bien pour tout le monde. Hein. Oui. Allô. Allô. Oui. Oui. Allô. Oui. Pour vous m'appeler, monsieur. Allô. Allô. Oui. M'entendez? Oui. Bonjour. Oui. Vous m'avez appelé, non? Non. Je viens de recevoir un appel en masqué, donc c'est vous, non? Non. Non. Vous avez reçu un appel vous aussi? Bah oui, c'est vous qui m'appelez. Bah en fait, le truc, c'est que ça m'arrive souvent, le truc. Donc je pense que c'est un problème de réseau. Vous êtes chez quel opérateur? Allô, monsieur? Aïe. Excuse-moi, Julien, parce que je t'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour toi, mais enfin, quand même, t'es pas doué. Ouais, c'est pas pour toi le pourquoi tu m'appelles. Tu vois, il y a des choses comme ça qui nous réussissent dans la vie. Bah, toi, ça te réussit pas. Alors, à mon avis, ça va être vraiment just. Thibaut Alaria. Sois honnête, je sais que t'as envie de faire gagner notre Juju, mais combien de temps il a fait? Bah là, je suis honnête, là il a fait 33 secondes. Oh là là. Oh. Ah bah mec, tu pues l'échec. Attends, arrêtons. Arrêtons parce que le pauvre il va partir comme ça en calimero triste et on a 5 secondes près. Ouais, bah oui. Bah, 5 secondes près quand même, ça fait une petite marge. Ah ouais, mais c'est pas. Non, c'est, je veux dire, c'est pas une minute, c'est pas 40 secondes d'écart, c'est 5 secondes quoi, tu vois. Il était comme ça, il est arrivé à la ligne d'arrivée et puis paf, on lui a passé devant. Oui, il y a au standard. À 5 secondes près, tu loupes ton train. C'est vrai. Ouais. À 5 secondes près, tu loupes l'orgasme. Tu peux donner un orgasme à ta meuf et puis bah, si tu viens trop vite, c'est trop tard. Exactement. Et à 5 secondes près. La vie te fauche. C'est glauque. Bon, mon pote, allez, t'es un amour. C'était la deuxième fois. On te l'offre bien parce que c'est toi. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Bah oui. Merci. Ça veut vraiment rien dire, ces règles. Du coup, ça veut rien dire. De toute façon, tout ce que vient de dire ne veut rien dire. Bon, Julien, on t'envoie ton mini drone à la maison et puis on veut plus entendre parler de toi dans le pourquoi tu m'appelles. Ne rejoue jamais, bichon. On t'embrasse très fort, mon chat. Merci, vous aussi. Bisous. Salut. Au revoir. 01 42 48 5000 pour faire de la radio avec nous. Et alors attention, dans un instant, nous allons assister au deuxième coup de gueule auditeur de la soirée. Bah disons, les gens sont ronchons ce soir. Hein. Vous avez le droit, c'est votre antenne aussi. Alors cet auditeur veut râler sur quelque chose qui concerne les animaux, qui est assez insolite et incroyable, je ne connaissais pas. C'est juste dingue. Restez là, l'info va vous faire halluciner. Et si vous aussi, vous avez déjà vu des trucs un petit peu chelous faits sur des animaux. Moi par exemple, j'avais vu un couple qui passe tout le temps dans Confession Intime qui avait transformé transformer leur animal en enfant, tu sais, Miss Chihuahua. Ah, Miss Chihuahua, mais très bien, je m'en souviens très bien. On est d'accord que c'est glauque. Ah oui, c'est terrible, il l'habillait, il faisait faire comme ça des trucs, des mariages avec d'autres chiens, enfin une catastrophe. Et des élections de Miss Chien. Tout à fait, appelez-nous pour nous raconter toutes ces histoires un peu glauques. Nous, on n'aime pas ça avec Anso. 01 42 48 5000. Et pour le son, c'est The Chainsmokers feat Coldplay. Ça, on aime par contre. Ah, complètement. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. On est toujours en direct, c'est Marion et Anso le Night Show et on lui a laissé un petit peu de temps. Alexandre Calvez, notre spécialiste crash test, a réussi à nous faire une belle barbe à papa. Je vous rappelle le concept ce soir, nous testions la machine à barbe à papa, celle qu'on peut s'acheter pour la maison, on peut les faire soi-même. Et donc nous on voulait tester la recette tête brûlée, donc le truc qui arrache quoi. Alors cette nouvelle barbe à papa est très jolie, mais elle penche un peu à gauche, hein, un petit peu comme le sexe cool de Yaya, j'imagine. Alors très jolie, je te trouve plutôt sympa parce que franchement, elle a pas trop de volume, mais enfin, elle est bien, il y a de la consistance et surtout, il a mis plein d'acide, l'acide hein, du kit tête brûlée dessus, ça fait des taches blanches. Ouais, exactement, on dirait que ça. Ce qu'on disait, que ça faisait un peu givré. Ouais, ouais hein. C'est très esthétique. C'est joli. Est-ce qu'on peut pas goûter maintenant, si? Eh bien, je te propose qu'on y aille. Allez. Allez, venez les garçons de l'équipe. Oh là là, mais là j'ai pris beaucoup de sucre. Je goûte. Ah oh ah bah ça arrache beaucoup. Oh ah ça arrache, c'est terrible. Ah non, bah alors là c'est terrible. On va vous débriefer ça dans un instant. Ah bah oui, bah ça pique. Ah Alexandre, il est en train de s'étouffer. Regarde sa tête. Ah ça marche. Je vous assure, si vous aimez les têtes brûlées, vous allez kiffer ce crash test. C'est juste énorme. Bougez pas, on vient tout de suite, on débriefe de ça. Et puis bah on va parler des animés aussi. On a trouvé des trucs what the fuck sur les animaux, pardon. J'arrive plus à parler. Allez, à tout de suite, restez avec nous, on est sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Edia, Jadid, Kygo et Ellie Goulding. Don Diablo. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Bonjour. Alors, je voudrais 500 grammes de lunettes de soleil, 3 louches de crème solaire et 2 belles tranches de tong. Je sens que je vais me régaler cet été avec EasyJet. Offrez-vous des vacances d'été délicieuses avec EasyJet et envolez-vous en Europe à partir de 35 euros. Conditions et réservations sur easyjet.com. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Afrojack, David Guetta, Armin Van Buren, Deadmau5, Don Diablo, Martin Solveig, Tiësto et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. Salut! Pour voir les délires de l'équipe, les photos intimes ou les franges mal coiffées sur Snapchat, ajoutez Marion et Anso. Tout ça sans espace. Il y a quelques minutes, on goûtait la version numéro 2 de la barbe à papa tête brûlée. Je vous le dis, ça arrache vraiment. Si vous aimez le goût de ces bonbons, eh ben c'est complètement réussi. Je vous conseille cette recette. C'est plutôt simple. Il vous faut juste le sucre ainsi que le kit pour faire les têtes brûlées. Vous rajoutez l'acide et ça marche bien. Bravo Alexandre. Bah merci. Non, franchement, je suis vraiment satisfait du résultat. Je ne m'attendais pas à ça et ça arrache. Ouais, bon délire à faire avec les potes et tout. On aime bien l'effet piquant. Anso, elle n'a pas pu goûter parce qu'elle est diabétique. Et là, vraiment, c'était extrêmement sucré. Bah, mais je te le dis, ça fonctionne très bien. De toute façon, c'est ça, la barbe à papa, c'est que du sucre. Hein. Ouais, plus là, la version tête brûlée, c'est encore pire. Hein. Bon, et bien écoutez, en tout cas, bravo. Félicitations, Alexandre Carvez du Mexique. Si. Lorenzo est avec nous du côté de Nice. Bonsoir à toi, Lorenzo. Hey, bonsoir, l'équipe. Ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. En plus, c'est un petit peu italien, Lorenzo. Lorenzo, bien sûr, je suis italien. Non, je suis pas italien, mais j'aurais bien voulu. Bon, ouais, bah, c'est pas grave. Visiblement, ça s'entend quand même que tu te sens pas des masses italiens, Lorenzo. Alors, Bichon, toi, tu nous appelles pour parler d'un truc que tu as vu. De quoi s'agit-il? Alors, moi, j'ai un coup de gueule à la Verdèse à faire, en fait. Je suis tombé sur un site, je cherchais une lettre pour mon chien. Et sur ce site-là, ils vendaient des costumes pour chats. Parle dans ton téléphone, Bichon. Vous entendez? Là, c'est mieux. Oui, j'ai trouvé en fait des costumes pour chats, des costumes de samouraï pour chats. Mais j'ai vu ça passer, effectivement, ils ont créé ça, c'est au Japon, non? Je sais pas d'où ça vient, mais sur ce site-là, en tout cas, ils en vendaient et j'ai trouvé ça mais complètement absurde, débile, enfin, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment être con pour créer des trucs pareils et puis encore pire pour les acheter, quoi. Ouais. Alors après, en plus, je suis d'accord avec toi, Lorenzo. Moi, j'ai toujours détesté les vêtements pour animaux. Alors après, je dis pas, quand t'as un tout petit chien, l'hiver, quand il fait très froid, je dis pas, pourquoi pas un petit manteau de temps en temps et tout. Mais je trouve ça quand même assez ridicule. Les animaux, normalement, ont des cycles comme ça de poils qui les permet de, d'être bien l'été, d'être bien l'hiver. Et je trouve que ça les ridiculise plus qu'autre chose. Et ça me fait de la peine, moi. Ça se trouve, ils trouvent ça moche et ils peuvent même pas parler pour le dire. Oui. Ah, c'est sûr que c'est moche. Puis en plus, c'est un déguisement. Et les animaux sont pas des poupées, quoi. Oui, effectivement. Et là, j'ai retrouvé l'information. En plus, ça coûte cher. Donc, c'est bien une société japonaise qui a réalisé ça. On va vous mettre des photos là sur Internet. C'est abusé. Ça sert à rien. En gros, c'est juste pour donner un air badass comme ça à vos animaux. Et ça coûte l'équivalent de 133 euros selon le modèle. Alors, ça varie en fonction des pays et tout. mais je vois pas du tout l'intérêt comme ça de faire porter des armures qui ont l'air lourdes en plus à nos animaux. Alors déjà les chiens c'est moyen, mais alors les chats c'est pire que tout. Les chats ça supporte rien. Non. Enfin tu vois, c'est abusé quoi. Moi j'ai déjà essayé de mettre, tu sais, j'ai un auditeur qui m'avait offert ça pour Wacha, c'est des espèces de licornes en baudruche que tu gonfles et que tu cales sur les oreilles. Et ben elle a jamais voulu le mettre, la petite garce. Franchement, je trouve que c'est pas cool. Je suis d'accord avec toi. Beaucoup de gueule ce soir. C'est la soirée des coups de gueule, de toute façon. Merci, Poto. Et du coup, ça va nous permettre de parler de tous ces trucs un peu what the fuck qu'on a vu sur des animaux. Moi, je le disais avec Enzo tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez ce couple qui est absolument incroyable. Ouais. Ils sont passés au moins 4 ou 5 fois dans l'émission Confession Intime. C'est un couple belge qui avait comme ça tellement idolâtré leur chihuahua qu'ils avaient surnommé Miss Chihuahua. Et donc, ils ont fait des concours de beauté, mais ils ont tout fait, hein. Des coussins à son effigie, des tableaux, des vêtements. Ils ont organisé une cérémonie de mariage. Donc, le chien s'est marié avec un autre chien, avec plein de témoins chiens autour. Enfin, c'est juste lunaire. C'était des stars en Belgique, parce que tout le monde les connaissait. Tout le monde connaissait Miss Chihuahua. Je crois qu'elle est décédée maintenant. Oui, c'est ce que je viens de voir en 2015. Et elle a eu des funérailles en grande pompe. Quand même, sans déconner, c'est un animal. Et il n'est pas heureux comme ça. C'est-à-dire que c'est pas plus on s'en occupe. Plus on s'en occupe comme une poupée, plus il est heureux. Au contraire, c'est tout l'inverse. Hein. Arrête de te foutre de ma gueule, toi. Oui, j'ai dit aux coupes. Pas possible, elle me laisse rien passer, celle-là. Non, mais moi, je trouve ça horrible, franchement. Après, ils ont dû être vraiment dévastés par la perte du chien, hein, ces gens. Hein. Ouais, enfin, ils s'étaient beaucoup trop attachés aussi. Oui, Yaya. Mais on est sûr que c'est pas bon pour eux? Oui. Peut-être qu'ils kiffent d'être habillés comme ça, les chiens et tout. Je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont démontré que non, le chien est fait pour être le plus libre possible. Bah, c'est vrai. J'ai vu plein de reportages, moi. J'adore Marion. Il y a beaucoup de chercheurs. Si, j'ai déjà vu des reportages là-dessus. Je vous dis pas ça comme ça, hein, sans déconner. Je pense que ça les épanouit pas du tout d'être traités comme des enfants, quoi. Ce sont des animaux. Donc il faut pas trop en faire, il y a quand même des chiens qui... Enfin, il y a des trucs terribles, je vous raconterai ça dans un instant parce que je vous ai trouvé aussi tous les objets les plus what the fuck qui existent pour animaux. Ah génial, ça veut dire qu'on va jouer avec toi Babou? Ah oh, oui. Ah oh, bah oh, si yes. Vous êtes d'accord, oui. Ah oh, moi c'est le meilleur moment de ma vie. Ah hein. Pareil. Hein. Sidonie est à Nancy avec nous, bonsoir Sido. Bonsoir. Ça va? Oui et vous? Oui très bien ma belle, toi aussi t'as vu un truc un peu what the fuck? Ouais, c'est ma grand-mère, elle a acheté une brosse à dents pour son chat. Oh, quand même. Ah. Ouais, mais tu sais, les animaux, parce que moi, donc, je suis propriétaire de Wacha, mon chat, et je l'emmène chez le véto pour un contrôle une fois par an. Et la dernière fois que je l'ai emmenée chez le véto, la véto m'a montré ses dents, et c'est vrai qu'elle a du tartre comme les êtres humains. Donc, pourquoi pas? Les gars, bientôt, on va voir Anso et Wacha dans Confession Intime. Ça va pas tarder, cette histoire. Non, mais non. Ça ne marchait pas. Il y a des biscuits, par exemple, qui enlèvent le tartre et tout pour animaux. Ça, c'est conçu pour, mais une brosse à dents, quand même. Bah, je crois qu'il y a des brosses à dents conçues pour les animaux. Moi aussi, je trouve ça très chelou, hein, mais. Le chat se laisse pas faire, faut arrêter. C'est impossible. Non, elle s'en est jamais servie. Elle a jamais réussi. Ah ouais. D'accord. Bon, bah voilà, comme quoi, là, on est d'accord, puisque franchement, faire ouvrir la gueule à un chat, lui passer la brosse, c'est hyper traumatisant, je trouve. Mais surtout, c'est un piège, hein, parce que tous ces trucs-là, ces gadgets pour animaux, ça coûte super cher. Oui, t'es beaucoup plus cher que les trucs pour être humain. Genre la brosse à dents, elle a dû l'acheter une blinde pour jamais s'en servir. Ah non, je vous le dis, c'est un attrape-nigo. Eh ben merci en tout cas pour ta réaction, chérie. De rien. Bisous Sidonie, on t'embrasse. Bisous. Et moi, je vais vous faire le petit jeu, c'est le ça existe ou pas. Je vais vous proposer à chaque fois des objets, des situations, des choses qui concernent les animaux. À vous de me dire si c'est vrai, si ça existe ou pas. Simple. D'accord. Un cache-anus pour chien. Ah oui, bien sûr. Oui, ça existe, mais là encore une fois, c'est pas pratique pour eux, les pauvres. Ouais, bah c'est une question d'habitude, hein. Effectivement, avoir quelque chose sur l'anus sans arrêt, ça doit pas être très pratique. Il y en a tous les modèles, il y a des fleurs, il y a des cœurs, enfin c'est kitsch en plus, c'est une catastrophe. Un déodorant Narta pour putois, ça existe ou pas? Non, quand même pas. Eh bien non, effectivement, ça n'existe pas. Un spray buccal pour comprendre le chien. Ça existe ou pas? Ouais. Mmh. Ah, il me semble. Effectivement, alors ça, c'est assez incroyable. On a voulu l'acheter sur Amazon, pour tout vous dire, pour le faire en crash test, mais on s'est rendu compte que c'était certainement une connerie. Parce qu'à quel moment un spray qu'on se met dans la bouche pouvait nous faire comprendre le chien? Aucun. Mais en tout cas, ça se vend. Donc est-ce qu'il y a des gens vraiment assez naïfs pour acheter ça? Je ne sais pas. Mais non, mais en même temps, je peux comprendre, parce qu'il y a quand même un espèce de fantasme général sur le fait de comprendre l'animal avec lequel tu vis, qui est quand même un membre de la famille à part entière, et t'as vraiment envie de savoir. Quel miaulement correspond à quoi? Et pareil pour l'aboiement. Oui, Thibaut, à l'arrière. Je pense que dans la vie, il y a deux envies. Il y a aller sur Mars et parler le chien, en vrai. Non, mais les gars, surtout, à quel moment tu peux te dire un spray buccal, ça va te permettre de comprendre? Je sais pas. Écoute, je ne sais pas. à un livre pour apprendre le yoga avec son chien. Ça existe ou pas? Oui, ça existe, pourquoi pas. Je pense que ça, c'est cool, c'est une activité sportive pour le coup à faire. Et si le chien peut être utile, ils aiment bien comme ça être en compagnie, donc pourquoi pas. Oui, alors ça, pourquoi pas. Ouais. Un fer à lisser pour mouton, est-ce que ça existe à votre avis? Mais non. Non. Mais non, quand même. Non. Bah y a, quand même. Non, effectivement, ça n'existe pas. Un moule pour faire des gâteaux en forme de tête de chat et partie génitale. Ouais, bah oui. Ah, ça existe. Attends, ouais. La partie génitale du chat? Toute la partie, tout le corps du chat, bah, tu peux tout avoir, y compris la partie génitale. C'est dégueulasse. C'est terrible. Une lessive, le chat pour laver son chat. Non. Mais non. Mais non. Non. Ça n'existe pas, effectivement. Des lunettes de soleil pour chien, est-ce que ça existe ou pas? Ouais, pour la moto. Ah bon? Oui, ça existe. Tout à fait. Alors, encore une fois, est-ce qu'il les supporte bien ou pas? Je vois pas l'intérêt. Cela dit, effectivement, ce que disait Enzo, c'est vrai pour la moto. Il y a des bikers comme ça qui emmènent leurs animaux sur leur moto. Et avec le vent, ça peut être très dangereux pour les yeux des animaux. Et pourquoi pas? Un vibro avec de vraies abeilles qui bourdonnent, ça existe ou pas? Non. Ah mais c'est drôle. Vous vous rappelez pas de cette info? Ah ça si, c'était en Égypte à l'époque. Cléopâtre. Tout à fait, c'était le sextoy, le tout premier qu'on a trouvé de Cléopâtre. Ouais. Et il était fait comme ça, avec des abeilles bourdonnantes à l'intérieur. Est-ce que c'est une légende ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu pas mal de news qui étaient sorties là-dessus. Alors je suis sceptique, mais enfin c'est pas bête. Un sextoy pour chien, est-ce que ça existe ou pas? Mais non. Si. Ça existe. Ah, ouais. Non. Ça me dégoûte. Oh non. Comment on peut faire ça, mais laisser les chiens se faire plaisir tout seuls, quoi? Ah, c'est terrible. Oui, mais parfois c'est sur la jambe des gens et ça, c'est un peu relou, quoi. Ouais, j'adore, moi. Et enfin, de la bière pour chien, est-ce que ça existe ou pas? Non, si, ça existe. La bière. Bah non, enfin, on donne pas de l'alcool à des animaux. Bah oui, hein. Mais en fait, c'est pas ça, c'est des trucs sans alcool. Mais t'as des trucs où tu peux trinquer à l'apéro avec ton chat, par exemple, j'ai vu ça. Je crois que c'est un auditeur qui me l'a envoyé. Où en gros, c'est un cocktail que tu donnes à ton chat et toi, tu bois un autre cocktail, mais ça ressemble au cocktail d'être humain pour trinquer avec ton chat. D'accord, oui, Thibaut à l'arrière. T'avais bu combien de cocktails, Anne-So, avant de recevoir ce message en fait? Bah, franchement, il y a des trucs assez ouf qui existent. Alexandre Calvez, est-ce que toi-même, tu as eu des animaux dans ta vie ou pas? J'ai un chien à l'heure actuelle. Est-ce que tu fais des trucs de ce genre, lui mettre des manteaux, des lunettes, ou ça ne deviendrait même pas à l'idée? Ah non, je suis totalement comme vous, c'est pas possible. Et comment s'appelle cette bête? Chelsea. Oh, sorry Chelsea. Sydney. Wow. Okay. C'est, c'est très mignon. Hein. International. Les garçons dans l'équipe, est-ce que quelqu'un a déjà vu un truc what the fuck sur un animal? Ah oui. Ouais. Ah, ouais. Ah, moi j'ai vu un truc de ouf. Il y avait des potes de mes grands-parents qui nourrissaient leur chien à la fourchette quand même. Mais non. Si, si, je te jure. Mais c'est pas possible. Bah si. D'accord, et ça marchait, le chien se laissait faire? Le chien se laissait faire, bah, c'est une question d'habitude. Hein. Quand t'habitues ton chien à faire quelque chose, moi je trouve ça un peu ridicule, mais voilà. D'accord, oui Enzo. Ouais. Bah, moi le resto chinois en bas de chez moi, c'est un peu l'inverse, tu vois, on donne du chien à manger. Oh non, mais... Eh, alors ça franchement, je peux pas te laisser dire ça parce que c'est pas bien, c'est faux, cette légende urbaine là, dans les restaurants chinois, tout va bien, ils sont contrôlés, arrêtez de croire ça. Hein. Dis oui, pardon. Mais désolé, c'était Pépère, pas Enzo quand même. Non, non, c'était complètement vous êtes Enzo. Vous, schizophrène, celui-là d'ailleurs, est-ce qu'on lui demande à Pépère? Ah, tiens, vas-y. Pépère, le sujet c'est, est-ce qu'on a vu des trucs what the fuck, un peu hardcore qui ont été faits sur des animaux, des accessoires, des trucs comme ça, raconte. J'ai réfléchi. Bah, c'est vrai qu'un soir, Pépère, en rentrant chez lui, voilà, il a entendu des bruits de vaches qui venaient du salon. Alors forcément, j'ai ouvert la porte du salon et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas des vaches, mais mes mères qui étaient en train de se faire sauter par tous les agriculteurs de la Morée dans le Pré. Ah, d'accord. Coup, bah, elle est gentille, mes mères. Hein, elle a fait semblant que c'était la vache. Ouais, ouais, d'accord, mais c'est méchant, c'est pas possible. J'adore cette émission en plus. Hein. Ah oui, bah, moi aussi, je les adore. Ça Carine, revient là. Non, bah, puis mes mères a l'air de les adorer aussi. Alors, c'était bien. Oui. Retour moi si tu peux, c'est ce qui arrive dans un instant. Et si vous voulez participer pour piéger papa ou maman, Marion et Anne-So @funradio.fr. Et tout de suite, c'est Kaigo et Selena Gomez. Who's waking up? Direct sur Fun Radio, chaque soir c'est Marion et Anso, le Night Show. Et j'aimerais bien que vous m'appeliez maintenant au 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi appeler Marion. Oui, bah oui, ça me va. On vous offre un truc génial, puisqu'on vous offre votre rencontre avec l'équipe du film Baby Driver. C'est un film américain. Ah oui, c'est outre-Atlantique, ça parle anglais. Et l'équipe du film va débarquer en France. Je vous dis, les acteurs s'appellent Ansel Elgort. C'est le mec qui jouait dans le film Nos Étoiles Contraires, là, le beau gosse énorme. Ce film qui a fait chialer toute une partie des femmes de ce monde. Et des hommes aussi, hein. Exactement. Et Lily James, ces deux acteurs seront là avec nous. Et vous allez pouvoir assister à la projection de ce film en privé. Voilà, vous, les auditeurs de Fun Radio, rien que vous. Et après, vous viendrez en studio rencontrer l'équipe du film. C'est pas mal, hein? Grave! Eh ben, 01 42 48 5000, Marion et Anne-Soir@funradio.fr si vous êtes un peu plus timide et un peu plus geek, quoi. Hein? Pas fermé. Retrouve-moi si tu peux. Mais tu te fous de ma gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, c'est pas en vrai. Retrouve-moi si tu peux. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour avoir des gosses pareils? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. On vous offre la PS4 Slim et on vous envoie au ciné voir Wonder Woman. Ça fait quand même deux beaux cadeaux. Inscrivez-vous, Marion et Anne-Soir@funradio.fr. Vous piégez papa ou maman, vous leur faites croire que vous avez accepté un événement Facebook qui tourne mal. Et puis bah voilà, si vous acceptez de venir vous récupérer, c'est gagné, c'est facile. Hein. Ouais, c'est facile. Et en plus, bah, force est de constater que nous sommes des gens généreux. Hein. Ah oui. Eric joue avec nous à Gap, il a 18 ans. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir, salut tout le monde. Salut. Oui, ça va Rico? Tout le monde t'appelle Rico? Non, on m'appelle Rico. Ah Rico, ok. Eh ben, bienvenue à toi sur Fun Radio Rico. Eh ben merci, c'est gentil. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie Eric? Ça se passe tranquille, tac? Eh ben ouais, je travaille, je suis saisonnier, du coup, ben, voilà. Oh, d'accord, et du coup le reste de l'année? Ben, je profite, on dépense les sous. D'accord. Ben, voilà. Et tu sais quoi? Ben, t'as bien raison, parce que c'est ça la vie, Rico. Alors, Rico, on piège qui ce soir? Ben, du coup, je vais piéger ma mère. Qui s'appelle? Hélène, du coup. Et du coup, voilà. D'accord, et du coup, on va lui faire croire quoi? Du coup, je vais lui faire croire que du coup, je suis parti en test. Et que ça s'est mal passé. Il y a eu un événement sur Facebook, en fait, une teuf légale. Et que genre, je suis parti en teuf et qu'il y a eu les flics et tout. Et ils m'ont pécho avec 2-3 trucs sur moi. Et du coup, c'est la grosse merde. Faut qu'elle vienne me chercher. Et je suis hyper loin et tout. Et du coup, voilà. D'accord. Du coup. Alors, attends, parce que j'ai pas tout compris. En gros, l'événement, c'est une grosse fête où il y a des produits illicites, quoi. C'est ça? Ouais, voilà. Okay. D'accord, attention, hein, on ne se drogue pas, c'est interdit et c'est pas bon pour la santé, donc on fait attention, on ne touche pas à ces merdes. Oui, mais on peut jouer avec les nerfs de maman pendant 5 minutes sur ce sujet. Oui, enfin quand même, pauvre femme, à mon avis, ça va être chaud quand même, hein, c'est un gros sujet. Bon, Eric, tu es prêt? Ouais. Allez, Eric, c'est parti, on appelle maman. Du coup. On appelle Hélène et du coup, j'espère que ça a marché parce que du coup, ce serait cool que tu gagnes quand même la PS4 Slim, du coup. Hein, du coup. Nous, on aime bien faire des cadeaux, du coup. Donc, du coup, c'est quoi là ? Oui, allô ? Oui, maman, c'est moi. Ça va ? Oui. Oui, ça va, et toi ? Ça va. Il y a un petit problème. Je suis parti à Ottawa, là, et bon, du coup, il y a eu les flics à la teuf, tu vois, comme d'hab. Mmh. Et du coup, ils nous ont fouillés et ils m'ont pécho avec des trucs illégaux, quoi. Et du coup, là, ils m'ont chaud au commissariat, là. T'es sérieux ? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'avoir des trucs sur toi ? Voilà, quoi, c'est normal. Voilà la bonne excuse. Enfin, il y a moyen que tu viennes me chercher ou pas ? Mais t'es où ? Ben, là, je suis à Manosque. Un coup, t'es à Lyon, un coup, t'es à Montpellier. Attends, tu te fous de moi ? Non, stoppé. Il faut vraiment que tu viennes me chercher ou papa, je sais pas ce qu'il fait, mais... Putain, mais c'est pas possible. Tu pars en tasse et tout, et tu te fais pécho avec des trucs illicites. Bordel ! Ben ouais, mais bon... Mais est-ce que t'as du plomb dans la tête, un peu ? Mais d'habitude, ça arrive jamais, tu sais, genre... Mais ça arrive jamais, mais attends, d'habitude, ben ouais, ben là, maintenant, c'est arrivé. Je suis désolé. Ben, t'es désolé, mais de toute façon, t'es majeur, donc il n'y a pas besoin d'autorité parentale pour te sortir du commissariat. Donc, tu vas rester en garde à vue et tu assumes. Oui, mais comment je fais pour sortir de Manosque ? Eh ben, comment tu fais, pourquoi ? Pour partir de Manosque, je suis à Manosque, là, je peux pas... Je suis en stop et tout, il y a le... Attends, il finit, comment je fais, là ? Eh ben, tu te débrouilles. Allô ? Oui. Oui, bonjour, madame commissariat de police. Oui, bonjour, madame. Votre fils vient de se faire interpeller, hein, du coup. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il faut venir le chercher. Ben, il faut venir le chercher, mais attendez, il est majeur, il se débrouille. Je vous passe Il est capable de partir à droite, à gauche, en stop, d'accord, donc madame, il est capable de revenir. Il est inutile de vous énerver sur moi, je vous passe ma collègue, le commissaire. Oui, merci. Bonjour madame. Oui, bonjour. Oui madame, je pense qu'il y a un petit souci d'éducation là, il a pas l'air très très porté mais sur... D'éducation, vous présentez, mais pour qui vous prenez pour me parler comme ça ? Alors excusez-moi madame, ce n'est pas mon fils qu'on a pris avec de la drogue sur lui, hein ? Ah ben oui, ben écoutez, il est majeur et il fait ce qu'il veut. Elle est majeure, d'accord. Il aurait été mineur, là ça aurait été différent. Mais c'est pas un problème d'éducation. Ouais. De quel droit vous permettez de Madame, outrage à agent, ne s'énerve pas. Hélène, effectivement. Alors Hélène, détendez-vous, je sais que vous allez nous en vouloir, mais en fait, respirez, tout va bien, tout ceci n'était qu'une blague. Vous êtes sur Fun Radio. Ah oui. Oh là là. Ouais, on est sur un petit ascenseur émotionnel, effectivement. On est désolé, effectivement, tout ça a été complètement faux et inventé. C'est votre fils qui s'est dit, je vais piéger maman, elle s'énerve vite, et effectivement, il avait pas tort. Oui. Ouais. Oui, ben et... là, je suis en train de trembler, je crois que... Non, et votre enfant va bien. Eric, dis à maman que tout va bien, que tu ne te drogues pas. Non, maman, ça va, je suis easy, t'inquiète. T'es un petit saligo, Eric. C'est mignon, saligo. Non, mais en plus, franchement, il a fait ça parce qu'il voulait gagner un très beau cadeau quand même, une PS4 Slim avec des places pour aller voir le film Wonder Woman au cinéma. D'accord. Et vu la frayeur qu'on vous a fait et puis les jambes qui flagellent, on peut clairement dire que c'est gagné. Ah oui, on vous envoie ça à la maison. Ouais. Évidemment. Et alors, il est très bien éduqué, hein, je me serais jamais permise. Hein, franchement, parfaite éducation. Ouais. Merci beaucoup. Il est très sympa. À part peut-être qu'il dit beaucoup du coup. Hein, faudrait peut-être l'éduquer en ce sens. Mais enfin, Hélène, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. D'accord, bon, Hélène. Je suis rassurée, mais je tremble quand même. Mais oui, je sais bien. Oui. On s'excuse vraiment, vous avez été formidable. On vous envoie tous les cadeaux à la maison. Et si un jour vous voulez vous venger comme ça du fiston, vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Je pense que j'hésiterai pas. On vous embrasse très fort, Hélène. D'accord, merci, ben moi aussi. Bisous, et Eric, on t'envoie tous les cadeaux à la maison, la PS4 et tout ça, d'accord ? Oh, trop cool, super, c'est gentil. Bisous Eric, on t'embrasse. Bisous, à vous aussi, à tout le monde. Est-ce que finalement ce jeu, ce serait pas un petit peu comme quand on sort de Space Mountain ? On a les jambes qui flageolent comme ça un petit peu. Ah, c'est vrai. Complètement. Elle a fait 84 Space Mountain. Dans un instant sur Fun Radio, j'aimerais qu'on vous raconte la pire vanne sexuelle qui existe au monde. Non mais c'est horrible. C'est Yaya du Standard qui nous a confié ça. C'est un pote à lui qui a fait un truc incroyable. Je vous donne deux indices. Sperme. Glaçon. Oh. Ouais, bon, ça nous met sur une certaine forme de piste. Et personne qui boit. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, il va nous raconter ça dans un instant. C'est terrible, c'est glauque, mais c'est vrai, ça nous a fait un petit peu marrer. Racontez-nous vous aussi vos pires crasses sexuelles, celles que vous avez pu faire à votre mec, votre meuf ou vos potes. Est-ce que ce serait pas un peu le jeu de la biscotte de l'été ? Oh,